Nous allons reprendre quelques jours après la dernière session. Pour rappel, certains d'entre vous avaient fini dans un plus ou moins bon état. Notamment Mokoche qui a dû bénéficier de plusieurs soins, et à qui je vais tout de suite rendre quelques points de vie. Malheureusement pour vous, les choses se sont un petit peu compliquées à Justicienne. En effet, vous aviez eu à plusieurs reprises les prémices d'une certaine tempête qui annonçait s'abattre sur la ville. Et cette dernière est désormais là. Il faut donc imaginer cette grande tempête de sable, cette grande tempête de poussière rouge, sans doute l'une des plus imposantes de ces dernières années. La ville, même qui était pourtant habituée à ce genre d'événements, a beaucoup de difficultés à devoir s'en défendre. Et vous assistez comme ça à des maisons qu'on retrouve par exemple le lendemain matin au lever du soleil quasiment ensevelies sous le sable. En effet, en fonction de votre pan de la ville, vous êtes plus ou moins exposé à cette dernière. Les gens ne sortent jamais dans les rues sans utiliser des masques ou au minimum mettre un foulard autour de leur bouche et de leur nez. Également, les gens, et vous compris, accrochent des draps au niveau des portes et des fenêtres des bâtiments pour éviter que cette dernière ne passe en dessous, surtout pendant la nuit. Et vous êtes également relativement gêné par cette espèce de bruit permanent, ce soufflement et le bruit du sable et de la poussière qui s'éclate contre les parois métalliques de l'intégralité des bâtiments de la ville. Pareil, lorsque vous sortez, vous y voyez pas à peine plus de quelques mètres. En tout cas, c'est très difficile de distinguer les gens dans la rue. Aussi, vous êtes cloisonné à l'intérieur, pour l'instant, de la petite, dans le petit atelier de F depuis plusieurs jours. Vous n'avez aucune nouvelle de Torik que vous avez pour la dernière fois vu alors qu'il partait au niveau du hôpital, et vous partez du principe qu'il a dû rester là-bas s'occuper des malades, puisque avoir une plaie ouverte avec de telles conditions météorologiques et climatiques. Et relativement dangereux, l'hôpital va donc accueillir un maximum de personnes possibles et essayer de les traiter le plus rapidement. Malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer puisque la tempête a fait chuter l'un des poteaux électriques qui reliait votre établi, ce qui fait que vous êtes actuellement également coupé de toute lumière et de toute source d'énergie. La radio ne fonctionne plus et vous êtes incapable de vous éclairer autrement qu'à la bougie. Aujourd'hui, vous vous trouvez donc dans, comme je disais, l'atelier de Flux. Vous êtes donc tous les trois, Flux, Mokoche et Jacquard. Avec vous se trouvent les quatre recrues du chroniqueur, c'est-à-dire Mariati, qui est donc la ferrailleuse, qui ne parle pas votre langue puisqu'elle est d'origine ibéro-espagnole, qui, elle, en compagnie de Noah, une jeune recrue des chroniqueurs, s'occupe d'essayer de rétablir le courant à l'intérieur du bâtiment. De l'autre côté, les deux frères, Bambino et Casse-Gueule, eux, jouent entre eux. Dites-moi ce que vous faites, et éventuellement ce que vous avez pu faire les quelques jours ou les quelques heures précédant l'arrivée de la tempête sur la ville. Quels ont été vos réflexes, qu'est-ce que vous avez fait, que ce soit d'ailleurs en lien avec cette dernière ou pas. Personnellement, je pense que j'ai donné un petit coup de meule à mon marteau, que je l'ai poli un petit coup, histoire de le nettoyer un peu après le dernier combat qu'on a eu contre les membres du clan du cafard. Et sinon, à part ça, j'ai potassé la théorie dans mon codex, on va dire. D'accord. Mokosh. Moi, j'imagine que j'en ai fait le moins possible pour être sûr que mes blessures soient bien fermées, parce que j'ai pris quand même vachement cher la dernière fois. Donc, j'ai sûrement pas fait grand-chose, mis à part rester sur un des canapés de Flux et manger son garde-manger. D'ailleurs, avant de partir, Moko, je vais te demander de me faire un test de soin, mais pour Toric, puisque il a le droit d'essayer de te soigner une nouvelle fois. Il n'est pas là, on part du principe qu'il l'a fait juste avant de se rendre au niveau de l'hôpital. Donc tu vas donc me faire un test de médecine avec intellect plus médecine avec les stats de Toric, ce qui équivaut à 7D. La difficulté est égale à ton nombre de traumatismes. Et pour chaque succès excédentaire... Non, pour chaque déclencheur plus 1, tu pourras regagner un point de vie. 4 réussites dans un déclencheur. Donc en effet, ça passe, et donc du coup, tu vas te soigner de 2 points de vie supplémentaires. Ce qui fait que tu passes à 6 points de vie sur 11. Donc ton état s'est nettement amélioré ces derniers jours. T'es pas passé loin, mais t'as été prise sous l'aile de quelqu'un qui s'y connaissait. De même, je vois que Flux, tu avais subi quelques blessures également. Je vais donc te proposer, toi... Non, alors dans ton cas, tu regagneras l'intégralité de tes points de vie. Puisque tu regagnes un point de vie par jour et que ça fait 3 jours que vous êtes reparti. Pour Jacquard, tout est bon. Et pour Toric aussi, parfait. À ton tour, du coup, Flux, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Qu'est-ce que tu as pris comme réflexe avant l'arrivée de la tempête? Et qu'est-ce que tu vas faire désormais? Alors, la première chose, éviter de remettre sur la table un sujet un peu brûlant dans le groupe, qui est celle de ce qu'on va faire de la machine qu'on a récupérée. Bien sûr, qui est d'ailleurs entreposée à l'arrière de ton atelier. Tout à fait. Et du coup, pendant qu'il y avait Toric, j'ai tenu les propos suivants. Je dis pas qu'il y avait Toric, parce que je suppose que j'ai réussi à faire ça avant son départ, et que comme ça, tout le monde est au courant. En soi, j'ai pas de problème de donner tout simplement le matériel que représente la machine. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est clair que, au besoin, j'en ferai don au groupe. Par contre, ce que je demande, c'est du temps avant. Surtout parce que c'est quand même une sacrée technologie, une technologie qui date quand même d'avant l'Apocalypse. Elle fonctionne. Et elle a quand même un intérêt énorme. Ce que je veux faire de ce temps-là, c'est passer mon temps à l'étudier, l'analyser, et voir comment elle fonctionne, si je peux tout simplement, désosser, retirer l'armature sans détruire la technologie qui est dedans, ce qui, moi, après, je me débrouillerai avec les ferrailleurs pour reconstruire derrière très bien. Tout ce qui... D'ailleurs, je remarque que... Voilà. Et je vais du coup pouvoir en profiter pour introduire une nouvelle mécanique. En effet, pour donner un petit peu plus d'importance à vos petits compagnons et pour retranscrire en termes de jeu le fait que par exemple là tu vas être accompagné et que tu as du monde autour de toi, ils vont te donner on va dire des bonus en jeu. Mm-hmm. Je trouvais ça lourd de leur faire leur propre fiche de personnage et de leur donner des stats plutôt que de le traiter de manière RP. Donc en fait, chacun de tes compagnons, elles sont pas encore définies complètement, mais ça va se faire sans doute d'ici la première partie, mais là tu vas en avoir un bon aperçu. Ils vont avoir en fait une série d'effets. Par exemple, ton compagnon donc Noah, qui est donc ta recrue de la part des chroniqueurs, dont tu as eu l'autorisation, on va dire, assez rare de pouvoir le garder auprès de toi pour t'assister là où la plupart... des gens de son rang sont occupés à rester coincés en plein milieu du serveur, à devoir faire en fait toutes les basses besognes jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment qualifiés. Puisqu'il est de rang 2, si je ne dis pas de bêtises. Je vais afficher ça tout de suite. C'est ça. Et du coup, voilà. En fait, ce qui va te permettre de faire, si jamais tu fais un test de... Donc, par exemple, dans son cas, un test de... Intellect Engineering ou Artifact Lore, ça va être de relancer un certain nombre de dés. En fait, on part du principe que vu que tu peux lui donner des ordres pendant que tu travailles, ne serait-ce que tenir tel ou tel outil ou effectuer telle ou telle étape, ça va t'économiser du temps, ça va te permettre de travailler plus précisément. Du coup, je te demande un premier jet, en effet, donc d'Intellect Engineering. Et tu auras le droit, si tu peux, relancer jusqu'à 2 dés. Ok. Je voulais juste viteuf quand même terminer ce que je disais, parce que ça s'adresse au personnage en tant que tel, hein. De comprendre la démarche qu'il y a derrière, qui effectivement j'accepte effectivement de le donner pour le besoin du groupe, parce que c'est quand même plus important qu'un besoin individuel, mais que voilà, je voulais juste le désosser, etc., voir ce que je peux en faire avant de prendre la décision et voir comment nous on le réutilise, quoi. Du coup, voilà, je le dis ça pour le joueur absent, le joueur présent, qui était intéressé. Du coup, tu m'as dit un jet de... Désolé, j'avais pas sorti ma fiche, je suis en train de... Intellect, pas de soucis. Intellect Engineering. Faut juste que Discord charge. Merci. Donc, pas de soucis. Et tu as le droit de relancer jusqu'à 2 échecs, puisque... En plus de pouvoir prendre ton temps, tu es assisté par une personne qui s'y connaît certes moins, mais un minimum. Ce qui est. 5d6. Donc là, j'ai actuellement 2 réussites de déclencheur, et je peux relancer jusqu'à 2d, c'est ça ? Je sais pas si c'est normal. Pardon ? Je sais pas si c'est normal, tu viens. Là, je parle juste pour les règles. D'accord, parfait. Comme ça, je sépare un peu du roleplay. Du coup, je relance 2 de mes échecs, c'est ça ? Jusqu'à 2 de tes échecs, si jamais tu le souhaites. Bah, je si relance. Voilà. C'est-à-dire que je vais en relancer 2 parce que j'ai fait que 2 réussites, c'est pas énorme. Et voilà, bah, ça me fait 2 réussites supplémentaires, donc en tout ça fait 4 réussites et 2 déclencheurs. Ok, 4 réussites et 2 déclencheurs, tu passes le premier test. Je vais t'en demander un autre parce qu'on va faire une petite combinaison. Je pense qu'on va combiner ça... avec un jet d'agilité et artisanat. Ok. Auquel tu auras également le droit de relancer jusqu'à 2 échecs, puisque Mariati, la ferrailleuse, est également avec toi. En tout cas, elle était avec toi lorsque tu as travaillé. Donc, Mariati, elle me permet de modifier ce qui est... Parce que je prends des notes, comme ça... Oui, bien sûr. Côté. Agilité. Du coup... Agilité Non, ce qui est... Maria, qu'elle, crafting. Crafting. Donc... artisanat, voilà. Ouais, ouais. De toute façon, j'ai affiché en anglais, donc je fais le lien. Donc, j'ai fait pour l'instant une réussite, un déclencheur, mais je peux relancer 2d6, ce qui m'arrange. Et ce qui me fait, du coup, en tout, 2 réussites, un déclencheur. Très bien. C'est pas énorme, mais j'avais 3d. En effet, c'est quelques jours, donc tu as réussi à relativement bien analyser la structure de la machine, à savoir comment la décomposer, en fait savoir comment la démonter, le tout en évitant d'activer un potentiel, on va dire, réflexe de sécurité qui la réactiverait pour de bon. Tu as donc commencé à la désosser, malheureusement ce n'est qu'en partie pour l'instant. Ce qu'il faut imaginer, c'est que du coup à l'arrière de ton petit atelier, tu as la moitié de sa structure qui est déposée en pièces, triée, bien rangée, avec peut-être même, pourquoi pas, des noms écrits à côté, ou simplement des marques faites sur le mur ou sur la table pour savoir à quoi elles correspondent. Et l'autre partie allongée sur une espèce de grande table, peut-être même sanglée par réflexe de sécurité, mais voilà, à moitié donc décomposée. De toute façon... Comme j'ai dit, moi je demande du temps, donc c'était prévu que je le fasse pas en quelques jours. D'ailleurs, nous ne sommes pas revenus non plus sur un autre élément sur lequel on va pouvoir revenir ce soir. C'est le disque de GMA. Ah oui, en effet, t'as donc réalisé ces derniers temps que vous aviez mis la main sur quelque chose qui avait énormément de valeur, puisque ça semble avoir été enregistré avant l'apocalypse, et où on y parle de GMA. Alors toi, tu connais pas énormément les diaméthanes, tu saurais pas dire exactement en quoi ça peut, comment dire, tu saurais pas à leur niveau comprendre l'intérêt de ça, mais tu, évidemment, ça saute aux yeux que ça a une valeur absolument incroyable. Puisque déjà, ça prouve, c'est tout con, mais que Jamé a existé, qu'il avait plus ou moins prédit le fait qu'il allait avoir une apocalypse, que ça a été enregistré et que ça se retrouve encore des années plus tard. Tu sens que tu n'as pas percé tous les secrets de ce disque, et qu'il te faudra sans doute encore un peu plus de temps, et peut-être à l'occasion discuter avec des Jamethan, évidemment de manière un petit peu détournée, ou en faisant toi-même tes propres recherches peut-être au serveur, pour pouvoir comprendre tous les tenants et aboutissants de cet objet. Ouais. Ma question était, en attendant, qu'est-ce que tu as fait du disque ? Ranger vraiment en sécurité. Mm-hmm. Ranger vraiment en sécurité. Je pense... Pardon. Que j'aurais même aimé peut-être confectionner vraiment un coffre piégé, tu vois. Prendre le temps de faire ça, demander comme d'habitude au ferrailleur, Mariati, accompagné de Bambino, Casse-Gueule, d'aller me chercher des matériaux pour que je me construise vraiment une espèce de petit coffre. Alors, pas en bois, parce que j'ai compris, c'est rare le bois justicienne. Le bois, c'est un effet un peu plus cher que le métal, que le fer. Voilà, un petit coffre vraiment de métal, en plus, c'est plus résistant que du bois. Et d'en faire quelque chose de piégé pour que si quelqu'un essaierait de l'ouvrir ou de le casser, ça c'est important, sans actionner un petit mécanisme qui serait dedans avec une clé, un truc comme ça, ça... Bah ça, je sais pas encore, peut-être... On aura peut-être une explosion, c'est peut-être un peu vénère dans mon atelier, mais... Il faudrait que ce soit piégé, quoi, je sais pas... Un mécanisme... Ok. Eh bien, on va commencer, on va faire une petite série de G. Le premier... Déjà, ouais, c'est vrai. On va faire des combinaisons. Le premier, tu vas me faire un jet d'instinct orientation. Très bien. C'est toi qui vas le faire, mais en théorie, on va le faire pour les gamins. La difficulté n'est que de 1, une réussite, puisqu'il s'agit de trouver un endroit où ils pourraient avoir obtenu les matières premières dans le coin. J'ai fait une réussite. C'est des gamins voilà. Très... Donc en effet, en arpentant les marchés, ils ont trouvé à peu près toutes les pièces dont tu avais besoin, les pièces précises en tout cas, ou celles qui allaient pouvoir être modifiées pour effectuer le coffre que tu souhaitais. Ensuite, on va faire une combinaison d'un jet de technologie et d'artisanat. Ok. Ou... Ah, alors, c'est à ton choix. Soit c'est technologie et artisanat, soit tu vas me faire un jet de science artisanat. Je te laisse choisir. Donc d'abord, intellect, soit science, soit intellect technologie, puis agilité artisanat. Ah, d'accord. Oui. Donc tu m'as dit, pardon, artefact, soit science. C'est ouais, ça. Je soit science, soit technologie. Pour intellect. Je vais prendre artefact, ce qui me fait... Science. Non, intellect, c'est soit intellect science, soit intellect technologie. Donc technologie, ah, c'est engineering. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Donc, ça fait 5d6, c'est quand même pas mal. Donc, en le premier jet, j'ai 3 réussites de déclencheur. Ok. Mon mis des dérons, c'est chaud. Et le deuxième, tu m'as dit, c'était agilité craft. 3 réussites de déclencheur pour le premier ? Oui, c'est ça. 3 réussites de déclencheur. Ok. Et pour le deuxième, c'est agilité crafting. Ouais. Sachant que tu as le droit de relancer jusqu'à 2D, encore une fois, puisque tu as le soutien. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, effectivement, de Mariati. Exactement. Oh. Donc là, j'ai fait 2 réussites, un déclencheur. Je relance un D6, du coup, parce que je n'ai qu'un seul échec. Ouais. Attends. Oui, 4, c'est une réussite, hein. Un 4, c'est une réussite, en effet. Ouais, c'est bon, j'ai eu un doute. Donc, bah, du coup, ça me fait 3 réussites. 3 réussites, un déclencheur en plus. Ok, donc ça fait un très très bon résultat pour un double test, sachant qu'en plus, les déclencheurs se superposent. Donc en fait, on considère que tu as fait 3 déclencheurs à chaque G. C'est l'intérêt des actions combinées. C'est plus risqué parce que t'as plus de chances de rater, mais les déclencheurs se s'additionnent. Donc en effet, au bout de quelques jours, même potentiellement pendant que vous étiez vaqué vous à d'autres occupations, vous avez réussi à confectionner un système relativement intéressant. En effet, la sécurité est assez basique, mais si jamais on force le coffre, plutôt que de l'ouvrir sur le disque de GMA, on va simplement l'ouvrir sur une espèce, on va dire, de double fond. Enfin, c'est plutôt en fait le disque qui se trouve dans un double fond, avec quelques lettres de change déposées à l'intérieur afin d'effectuer un leurre. Ce dernier également est bien encastré dans le mur, ce qui fait que tout voleur aurait plutôt intérêt à forcer l'ouverture qu'à voler le coffre en lui-même et tenter de partir. C'est parfait. Là-dessus, nous allons pouvoir reprendre au moment où nous étions. Vous êtes donc là, assis, en train de, en fait, un petit peu de vous tourner les pouces. Vous attendez, vous entendez Bambino et Casse-Gueule s'énerver, tandis qu'ils sont en train de jouer de leur côté. Semble-t-il, l'un aurait triché. Les autres sont occupés à faire ce que Flux leur a demandé de faire. Tandis que vous entendez un bruit au niveau de la porte principale, quelqu'un est visiblement en train de toquer à cette dernière. Donc voilà, alors, avec ce brouhaha du vent, vous entendez le choum choum choum qui résonne à plusieurs reprises. Et bah, je vais me lever comme d'habitude avec difficulté en m'appuyant sur mon marteau et je vais ouvrir la porte comme si de rien n'était. Tu grimpes sur ton marteau et tu commences à ouvrir la porte. Alors que tu commences à peine à l'entrouvrir, vous voyez des tonnes de sable et de poussière commencer à s'accumuler au niveau de l'entrée. Et tu vois la silhouette d'un homme et d'une femme encapuchonnés avec des écharpes autour de la bouche pour se protéger et des lunettes au niveau des yeux. Vous êtes ? Nous sommes des amis. Est-ce que nous pouvons rentrer ? Nous sommes venus voir Efflux. Tu vois que leurs vêtements sont recouverts de sable et de poussière. Ouais, allez-y, rentrez, mais si c'est des bobards, je vous promets que vous allez ressortir pas entier. Je vais rentrer. Tu vois, en effet, tu commences à les intimider, et puis l'homme te dit « Non, vous inquiétez pas, nous... il vous expliquera. » Et puis, à ce moment-là, il s'empresse à rentrer et referme la porte juste derrière. En tout cas, tu refermes la porte juste derrière. Est-ce que c'est comme dans les 8 salopards et on doit clouer la porte, tu sais, pour faire ça? Alors, pas au marteau, mais c'est un petit peu l'idée, en effet, sauf qu'à la place d'avoir de la neige, c'est ça, on a de la poussière, du sable et des débris, tout ce qui traîne en borka. Ok. Toutes ces petites saloperies. Ouais. Bon, bah, je referme la porte de façon sûre. D'ailleurs, tu les vois, ils secouent un peu leurs vêtements pour pas salir tout, et dans l'entrée, ils font tomber des tas et des tas de petites particules comme ça qui viennent tomber jusqu'au sol. Flux va être dans l'atelier. Capuche et leurs lunettes ainsi que les vêtements qu'ils avaient enroulés autour de leur visage. Et de votre côté, Mokosh et Flux, vous reconnaissez Bran et Sonia, qui étaient les deux personnes que vous avez rencontrées lors de votre trajet de cathédrale à Justicienne. Donc, j'étais pas avec eux. Ne te disent rien. En effet, toi, tu n'étais pas là à ce moment-là. Tu ne les connais pas. C'est où cathédrale? Ah non, cathédrale, c'est pas la c'est le. Cathédrale, c'est le des anabaptistes en Borka. Perdu. C'est désolé. C'est là où était enfermé Mokosh. C'est là où Mokosh a été retenu pendant quelques temps, histoire que les services d'enquête anabaptistes mettent au clair ce qui s'était passé en Purgare. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient perdu la ville qui appartient désormais au Clanis. D'accord. À Lombardie, d'ailleurs. Gala Lombardie, c'est ça. Et du coup, bah, vous les voyez, ils sont là dans l'entrée, et Mokosh, d'ailleurs, te salue lorsqu'ils t'aperçoivent, de même pour toi et Flux. Je leur rends leur salut. Est-ce que tout va bien ? Une accolade. Ok. Du coup, voilà, vous posez cette simple question. Vous allez bien? Tout se passe pour le mieux? Pour le mieux, oui. Et vous, que vaut votre visite dans un temps pareil? D'ailleurs, je précise, au moment où vous discutez, vu que toi, je sais pas si tu te trouvais dans l'arrière-salle ou pas, mais Maria, qui se trouve à jouement elle en arrière, tire une espèce de petit rideau qui sépare la pièce en deux, afin qu'on n'aperçoive pas le cadavre de la machine de Absuno juste derrière. Même si ça semble être des amis, on va éviter de répandre quelques rêves. Eh bien, les choses ne vont pas terribles, pour être honnête. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes venus quérir votre aide. Ça concerne vos enfants ou... Indirectement, oui. À ce moment-là, c'est Sonia et elle qui prend la parole. Sacha et Gabriel vont bien, mais nous avons un souci avec notre propriétaire. Puisque quelques temps après être arrivé en ville, nous avons réussi à trouver un petit logement pas très cher. Malheureusement, il s'avérait que les choses changent et l'homme en tout cas qui nous logeait souhaiterait que nous partions d'un jour à l'autre sans aucune réelle explication. Et vous comprendrez que par les temps qui courent, cela reviendrait à nous mettre dehors. Et nous craignons pour la santé des enfants. Vous habitez dans Justicienne ? En effet, oui, nous habitons dans la banlieue du Technocentre. Nous y avons trouvé une petite bicoque que nous louons pour quelques lettres de change, quelques centaines de lettres de change par mois. Et qu'est-ce qu'en a dit les juges de votre secteur ? Eh bien, d'après eux, il est parfaitement dans son droit de nous mettre dehors s'il le souhaite, puisque le bâtiment nous appartient. Mais voyez-vous, il y a quelque chose d'étrange là-dessous. C'est si soudain, inexplicable. Et on voulait savoir si vous ne pourriez pas au moins discuter avec lui. Peut-être pourriez-vous le changer d'avis. Nous sommes, plutôt mal à l'aise face à cet homme qui semble peu nous considérer, peut-être en raison de nos origines ou de notre pauvreté apparente. Nous sommes motivés à nous inclure au possible au sein de Justicienne. Bran et moi-même avons tous deux trouvé des travails de notre côté afin de pouvoir nourrir nos enfants et nous développer autant que possible. Je suis très fier de vous. Vous avez vraiment aucune idée de la raison de soudain de son changement d'avis ? Non, il a toujours été très gentil et nous a jamais... ou donner une quelconque date limite à laquelle nous devrions partir. Simplement, du jour au lendemain, il nous a fait savoir que nous devrions quitter le logement dans les jours à venir. Autrement dit, que clairement, nous n'avons aucun endroit où aller. En tout cas, peut-être temporairement, mais même pour les deux jeunes enfants comme les nôtres, c'est relativement dangereux de rester en ville. Surtout, nous avons appris qu'il y avait eu des enlèvements en plein jour et autres abominations commises, nous serions beaucoup plus en sécurité si nous pouvions comprenez que même si j'accepte de vous aider, je ne peux rien vous garantir au sens où effectivement ce genre de choses est assez commune et que Justicienne fonctionne ainsi, il n'est pas contre les lois. Je peux quand même aller lui parler par sympathie et gentillesse et voir s'il n'y a pas moyen de renégocier un peu. Mais je ne peux pas vous garantir un résultat absolu. Après tout, cette personne est dans ses droits. Et c'est un peu difficile de lutter contre ça. Malgré tout, on peut quand même aller lui parler et voir un peu s'il n'y a pas moyen de négocier. Au moins, peut-être, le temps que... déjà que la tempête se calme, que le temps devienne plus chaud et que vous ayez au moins le temps de vous préparer à un départ s'il y a besoin. Au moins un sursis, ça serait déjà ça de prix, je pense. Donc, pourquoi pas écouter... Où sont vos enfants à l'heure actuelle ? Ils sont à la maison pour l'instant. On préférait éviter de les faire sortir par un temps pareil, même si... les ferrailleurs et autres personnes n'ont pas de mal à se déplacer en ville malgré la tempête. Ouais, ils risquent de se faire enterrer. Nous disons que, on raconte que c'est très mauvais pour la respiration et on préfère ne pas prendre de risques. Et est-ce que c'est arrivé à d'autres personnes dans votre quartier ? Non, les premières, mais en même temps, nous sommes les plus pauvres, nous n'avons pas d'amis dans les parages, à part vous et nous pensons être victimes d'un complot d'une origine inconnue et visiblement nous sommes les cibles les plus faciles pour cette raison. Et d'ailleurs notre propriétaire ne nous a rien dit quand nous lui avons demandé d'expliquer le pourquoi du comment. Nous avons même proposé de monter le prix si la question si l'argent était un souci, mais il ne veut rien entendre et impossible de trouver un autre endroit où dormir, en tout cas plus que temporairement, aussi rapidement. Enfin, vous savez que la ville, surtout avec la tempête actuelle, est submergée et que tant que les ferrailleurs ne l'auront pas quittée pour retourner à la chasse aux artefacts, elle sera surpeuplée comme à son habitude en hiver. Oui, je comprends. Écoutez, vraiment, on va aller... Du moins, moi, je vais aller lui parler, mais encore une fois, je peux rien vous garantir, je vais faire de mon mieux, mais... C'est une situation, malheureusement, des fois bien trop commune, qui peut arriver. Je ferai de mon mieux, je ferai de mon mieux. Je vous remercie. Peut-être, à ce moment-là, tu vois Bran qui commence à sortir un paquet de sa poche. Peut-être pourrions-nous vous rémunérer en échange de services, ça va faire. Alors, clairement. Premièrement, ça serait bête de me rémunérer maintenant alors qu'il n'y a aucune. Preuve et que si jamais. Avec Hatt, si jamais j'échoue, ce serait bien bête que vous perdez vos derniers vivres à cause d'un paiement comme ça. Oui, bien sûr. Il y a moyen et que... Si jamais vous réussissez, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Voilà. Je préfère un bon service rendu que des lettres de change non méritées. À ce moment-là, tu vois que les deux, presque simultanément, baissent la tête en signe de reconnaissance. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement pour entrer chez eux ou... Non, en leur demandant, tu vois qu'ils ont réussi. Mais malgré la tempête, une fois que t'es équipé de lunettes ou de masques, alors eux n'ont pas les moyens de se payer des masques, mais vous en avez qui ont été fournis par l'hôpital, étant donné que vous avez des positions un peu plus privilégiées. Tu sais que oui, ils sont capables de rentrer seuls, ils habitent pas très très loin non plus, donc okay, ça va le faire. Parfait. Ce qui serait dangereux, c'est de rester en effet trop longtemps en dehors. Okay. Mais se déplacer en ville reste faisable. Surtout qu'il y a toujours des petites ruelles, les bâtiments sont tellement serrés que t'es quasiment à l'abri du vent. C'est seulement dans les grandes allées, sur les grandes places où là par contre tu te fais fouetter à plein feu, enfin à plein. Je connais plus l'expression, mais. À plein fouet. Où tu prends voilà, toutes les rafales en pleine tête. Quoi. Il me semble que c'est de plein fouet. De plein fouet. Si je ne dis pas de bêtises. Ça, exactement. Ça me revient. Peut-être voudriez-vous que nous vous donnions son nom ainsi que sa oui, position. C'est ce que j'avais demandé. Oui. Son nom est Patro Sarkas et il vit quasiment au pied du monolithe d'acier. Si vous avez une carte, on pourra vous l'indiquer avec précision. Bah je suppose que je dois avoir une map dans mon atelier. Et... Oui, voilà, en effet, t'en as une. Et puis en discutant, en effet, tu vois que ce dernier habite assez relativement proche du monolithe d'acier. Si jamais je vous renvoie la carte de la ville. Bah, normalement, de toute façon, on l'a dans le serveur de Genesis. Hein. Oui, c'est ça, vous l'avez. Mais... Dans le doute. Hein. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé de vos préparatifs, mais pas exactement de... vos réserves de nourriture, puisqu'il vous faut tenir plusieurs jours et à plusieurs. D'ailleurs, en termes aussi de, on va dire, logement à proprement parler, en tout cas pour dormir, vous savez que vous êtes un petit peu serré. Est-ce que vous avez mis la main sur quelques matelas peu de temps avant la catastrophe ou Bah, si effectivement on a eu le temps de le voir venir, j'allais pas faire dormir mes hôtes par terre. De manière un peu sale, donc oui, j'ai été faire en sorte qu'on puisse trouver facilement quelques matelas. Très bien. Pour avoir un confort un peu. Et niveau vivre, pareil, enfin c'est pour ça j'en ai pas forcément parlé parce que j'avais d'abord à gérer les autres questions. Mais Pareil, à chaque fois, j'envoie peut-être Noah, etc., aller me chercher quelques ressources, je lui donne une lettre de change, il y allait. Ok, ouais, bien sûr. En effet, tu vois qu'il t'a fait... Alors, c'est surtout peut-être plutôt Bambino et Casse-Gueule qui vont s'occuper de ça, mais ils t'ont fait quelques réserves, et tous les 2-3 jours, sortent aller récupérer quelques galettes d'avoine, ou de la viande séchée, s'ils en trouvent. Alors, malheureusement, en effet, voilà, les stocks ont pas mal diminué, puisque tout le monde s'est rué sur les réserves. Vous êtes même au courant qu'il paraît que certains apocalyptiques se sont amusés à racheter des grandes quantités de nourriture pour les rendre à prix d'or. Mais, ça va, la tempête n'est là que depuis que quelques jours, on est loin d'assister à une famine pour autant. Pas parfait. Bah, une fois les... Du coup, une fois Sonia et Bran partis, je me retourne vers mes amis et... Bah, surtout, en fait, vers Jacquard. Hein. Et mm-hmm. Bah, simplement, je lui demande, voilà... Vu que... on le sait... bah, ils sont, selon vous, parfaitement dans la légalité, donc de toute façon, tout ce qu'on va faire restera dans la légalité. On va pas mettre un coup de pression comme ça... Ce qu'il mérite, oui. Mais tout à fait. Et bah du coup, je sais pas si en tant que juge, tu connaîtrais pas un moyen de... Je sais pas, il y a peut-être une loi, quelque chose comme ça, pour juste dire d'attendre l'hiver. Ce c'est pas tant de le faire rester à vie. Moi, je cherche au minimum le sursis. Et c'est vrai que, bon, on est en plein hiver, on est en pleine tempête. Est-ce qu'il y a pas moyen de juste trouver un moyen légal de juste attendre ça et leur laisser le temps de réagir Après, on va aller voir, on va voir ce qu'il en retourne, mais voilà, je demande si si tu connais ça en tant que juge. Hein. Eh bien, qu'en est-il, MJ ? Est-ce qu'il y a une loi comme ça, une trêve hivernale ajusticienne ? Un test d'intellect, on va dire légende, avec un bonus égal... Alors, légende, ça veut dire quoi déjà ? Légende, c'est en fait un petit peu tes connaissances. Ah oui, c'est une compétence, mais pardon, désolé, je pensais. Intellect, légende. Avec, ouais. Je pense. J'aurais. Oh. Allez, un petit dé. J'ai révisé toute la journée en plus. C'est vrai que t'as révisé toute la journée. Ouais, tu m'as convaincu, ouais, donne-moi même 2 dés supplémentaires. Allez. Et la difficulté est assez basse. En effet, c'est pas une question vraiment difficile. De réussite. Ok. Alors, tu sais qu'en effet, il n'y a pas vraiment de règles de trêve hivernale. En fait, il n'y a même pas vraiment de loi qui encadre le fait de... comment dire... louer quelque chose. Maintenant... Tu sais que c'est un passage qui est assez flou du codex parce que on n'est pas du tout, c'est pas du tout la priorité des juges de gérer ce genre de choses, surtout en temps de guerre contre les clans. Mais tu sais que c'est une zone qui est assez floue en fait. C'est pas précisé non plus qu'il n'y a pas le droit, enfin que c'est autorisé de renvoyer quelqu'un. Puisque visiblement le sujet n'a jamais vraiment plus été traité que ça. Donc tu sais que peut-être en jouant sur justement un petit peu ce flou et en reformulant certains passages, tu pourrais éventuellement, faire passer certains passages pour justement des trêves hivernales, en tout cas les arrondir dans ton sens. Ouais, un truc un peu flou en mode chacun aura le droit à un foyer ou que sais-je. Exactement. Voilà. Eh bien, mon cher Flux. On joue un petit peu sur les mots. Ça dépend juste voilà, de la naïveté un petit peu de la personne en face et de si elle est têtue ou pas. C'est un sujet, on va dire, qui mène à débat au sujet... c'est un peu flou, on va dire, donc on pourrait un peu mettre la balle à notre camp, enfin, dans le leur, oui, effectivement. Si jamais on les interprétait d'une façon plutôt que d'une autre, mais... Je ne dis pas que si un juge venait, notre juge, bien sûr, venait à interpréter... Si d'une autre façon... Ah, voilà. On peut jouer là-dessus, effectivement. Bien, ça me paraît, enfin, si vous êtes d'accord de m'y accompagner, ça me paraît une bonne idée d'essayer. Après, effectivement, s'il y a un autre juge, encore une fois, autant j'ai beaucoup de sympathie pour ces personnes, on va pas pouvoir se mettre non plus dans des embrouilles pour eux. Je tente la négociation, mais bon, voilà, si jamais il y a un juge qui vient et qui nous fait comprendre que il est prêt à être un peu trop énervé. Je précise à ce moment-là que Bran et Sonia sont partis de leur côté, à moins que vous ayez d'autres choses à leur dire avant. Oui, c'est ce que je disais, j'avais commencé la conversation en disant que j'attendais qu'ils soient partis et que je me... Oui, c'est vrai. Oh, il n'y a pas de soucis, du coup, voilà, si Jacquard, si vous êtes d'accord, voilà, de m'y accompagner et de voir ce qu'on peut... Ce qu'on peut faire. C'est qu'à dire que tu m'en devras une. Eh bien, avec plaisir. Et, Mokoche, vous venez, vous restez là à regarder les autres travailler. Je sais pas, c'est bien de regarder les gens travailler, mais je vais venir. Alors que vous commencez à vous habiller pour préparer votre sortie, notamment en récupérant les masques, puis peut-être une couche de vêtements supplémentaires pour pouvoir vous épargner la poussière. D'ailleurs, Mokoche elle-même, seulement s'approchant de la porte, commence à inhaler quelques poussières qui tout de suite vont la rendre légèrement malade. Enfin, malade. Vont l'obliger à les évacuer. Vous avez Casse-Gueule qui, lui aussi, arrive au niveau du pas de la porte et t'indique Efflux qui va partir acheter un peu à manger pour ce soir au moment où vous rentrez. Très bien. Je lui donne les quelques lettres de change faisables. Tu lui donnes quelques lettres de change et... Ah oh, merde, c'est combien? Malheureusement, il dit que si tu lui en donnes une dizaine, qu'il t'en faudra sans doute 5 de plus parce que, justement, les prix ont monté. Il n'y a pas de soucis. Ok. Tout de suite, remercie, et puis, une fois qu'il a fini de préparer, il sent. En effet, Mokoche, toi qui as toujours eu des lunettes de pilote sur le haut de ta tête, tu peux de nouveau les mettre, et rien que cela te procure une satisfaction assez intense, qui fait que tu regagnes un point d'ego. Génial. D'ailleurs, vos points d'ego, je les ai pas régénérés complètement... Puisque même si votre santé elle s'est bien améliorée, les derniers jours n'ont pas été très récupérateurs pour vous. Vous avez donc encore quelques lacunes à ce niveau-là. Sans doute qu'une fois la fin de la tempête arrivée, ce sera beaucoup plus simple. Une fois que vous êtes prêts, vous allez donc traverser la ville. Toi, Jacquard, c'est assez compliqué en vue de ton état et de ton handicap, d'autant plus à cause de la tempête. Mais... Après quelques dizaines, peut-être un peu plus d'une demi-heure de marche, vous arrivez en face d'une maison qui, d'après en tout cas ce que l'on t'a indiqué, Efflux, semble être celle de la personne, en tout cas du propriétaire. Ok. Bon, bah alors je vais prendre ma main et puis je vais... frapper. Ok. Il frappe, et quelques instants plus tard, tu entends une voix grommeler qui dit « Mais qui est-ce que ça peut être par un temps pareil ?» Et puis, à un moment, la porte s'ouvre et légèrement retenue par une espèce de chaîne intérieure. Je sais que, d'ailleurs, les chaînes qui retiennent les portes ont un nom, mais je l'ai oublié. Et tu vois la silhouette d'un homme un peu bourru apparaître. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis le juge Gettysburg. Je souhaiterais parler avec vous. Tu vois qu'il dévisage de haut en bas, alors, constatant ton état, et puis qu'il t'ouvre la porte. Qu'est-ce que vous me voulez ? D'ailleurs, un petit jet de psyché empathie. Je crois que c'est... Je dis pas de titre. C'est bien, non. C'est en quoi, en fait ? Il y a pas empathie. Empathie, c'est instinct. Ah oui, en effet, voilà. Instant empathie, pardon. Ok, là, je précise, les autres, ils vous laissent rentrer aussi, bien évidemment. 4 réussites. Pouh, bien joué. Tu remarques que ta présence l'inquiète. Le fait que tu sois un juge ne semble pas le laisser indifférent et il te garde plus à l'œil que les autres qui rentrent dans la pièce, même si ils sont plus grands que les autres. C'est au sujet de certains de vos locataires, car si je ne m'abuse de cette marchande de sommeil, si on peut dire. Pardon ? C'est-à-dire, vous logez, vous avez oui. des terrains, c'est ça, que vous louez aux gens ? Oui, je vends, enfin, je loue quelques espaces que j'ai achetés ces dernières années à Justicienne. D'ailleurs, tu vois qu'en effet, l'endroit dans lequel il vit est relativement aisé pour un homme qui semble vivre seul. Il possède quelques meubles relativement classe pour un monde à la manière de celui des Genesis. Il a même un petit canapé qui semble avoir récupéré tu ne sais où. Un truc très poussiéreux, un peu vieux, mais qui reste quand même un certain luxe. Quelques petites tables, et puis même ce qui semble être une plante posée sur... sur une petite étagère. Cette dernière fait mauvaise mine, mais semble-t-il, il dépense de l'argent pour l'arroser assez régulièrement. C'est une très belle maison que vous avez là. Oui, à l'avoir avec ma visite, mais je me permets. Permettez-vous. Mais je ne vois pas quoi dire par rapport à ces personnes. Eh bien... Enfin, je ne vois pas ce qui vaut votre revenu aujourd'hui. J'ai cru comprendre que certains de mes collègues semblaient, comment dire... De ce qu'ils m'ont dit, vous ne leur avez pas vraiment expliqué pourquoi vous les avez, mis à la porte, si je puis dire. Et j'ai cru comprendre que certains... Ai-je invoqué une quelconque raison pour faire ce que je veux avec ce qui m'appartient ? Eh bien, vous savez, bien que certains de mes collègues, si j'ai bien compris, soient avec vous, le codex, effectivement, stipule que, oui, vous avez à avoir une raison, et une bonne, si vous voulez déloger les gens, qui n'ont absolument rien à se reprocher en plein milieu d'une tempête. Alors, je suis complètement ici pour négocier et nous ne sommes pas là pour vous imposer une amende ou une quelconque punition. Nous pouvons très sûrement trouver un compromis. Alors, je viens discuter au nom de mes amis et je pense que si vous faites un peu preuve de diplomatie, nous pouvons... très bien sortir tous les deux gagnants de cette discussion. Fais-moi un jet de charisme négociation, s'il te plaît, avec un bonus de 1. De 2 dés, même. Un dé pour la stature de juge et un dé pour le RP. J'ai pas assez de dés. Ah non, j'ai rien dit. Bon bah... Alors... Non, j'ai rien dit. Tout le monde en retire 6, alors, du coup. Ça t'apprendra. Trois réussites au déclencheur. Ok. Tu vois qu'en effet, t'as clairement marqué un point face à lui. Écoutez, je ne savais pas que je n'avais pas le droit, mais voyez-vous, je n'ai pas vraiment le choix. Enfin, je veux dire, je n'ai pas vraiment... la situation est compliquée, voyez-vous, mais ce sont mes affaires et je considère qu'elles ne regardent que moi. C'est ce que vous aurez à dire devant un tribunal si jamais cette affaire est portée plus haut. Car croyez-moi, je suis désolé d'être comme ça, mais ça ne passera pas. Si ce que je risque est d'aller devant un tribunal, alors j'accepterai ma sentence. Et j'assumerai les conséquences de mes choix. Quels sont les risques encourus pour avoir... mis à la porte d'honnêtes personnes sans raison valable. Moi. Fais-moi un jet de... enfin, un psyché domination. Je rappelle que j'ai aussi mon trait de peur. C'est vrai. Potentiel peur. Je sais plus exactement ce que ça donne, mais... On va dire que ça va t'autoriser un petit dé supplémentaire. Normalement, c'est plus en combat, mais bon. Ok. Deux réussites, dont un déclencheur. Ok. Je vais faire un jet de défense psyché. Ok. J'ai fait deux réussites. Tu vois que t'as marqué un point face à lui. Et même que tu l'as plus ou moins poussé dans tes retranchements, tu penses même qu'il vous cache quelque chose. Mais tu saurais pas dire quoi exactement. Pour appuyer un peu le « moi », j'aimerais bien lâcher mon marteau. Et genre, tu sais, de façon à ce que tout le sub tremble d'un coup et puis... Tu lâches le marteau, en effet, qui s'éclate d'un coup sur le sol en fer, et tu le vois effectuer un certain sursaut, presque comme s'il se jetait à l'autre bout de la pièce. Et il se sent tout de suite plus en danger. Et il dit juste « ne me faites pas mal, s'il vous plaît. Oui, voyez-vous, je suis honnête, moi aussi, c'est... » Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi vous voulez les mettre à la porte. Refais-moi un jet de charisme négociation, s'il vous plaît. Sans bonus, c'est ça. Alors, charisme négociation... Ok. Deux réussites, dont deux déclencheurs. Non, trois réussites, dont trois déclencheurs. Alors... Oh. Ok. Sur 5D, j'ai fait 0 réussite et 2 échecs critiques. Tu vois que à ce moment-là, ta prestance et ta certaine stature, qui mine de rien est appuyée par ton état physique. Un homme blessé et cicatrisant semble toujours plus violent, semble l'affecter dans son plus haut point. Et tu le vois d'un seul coup fondre en larmes et tomber à genoux. Il dit « Je suis désolé, je... » J'ai rien contre ces pauvres gens, moi. Et... À ce moment-là, il lève un petit peu la tête en direction du chroniqueur, comme s'il cherchait une certaine approbation, puisque c'est la seule personne qui, a priori, dans la pièce, ne l'a pas plus ou moins menacé ces 10 dernières minutes. Comment réagis-tu, Flux, en voyant cet homme en larmes chercher du soutien et peut-être du réconfort à ton niveau? Je m'allume. Tu t'allumes tel Jésus apparaissant dans les cieux. Et tu sais quoi, fais-moi un jet de charisme expression, s'il te plaît. Oui, c'est là où je suis le meilleur et que je suis jamais j'ai. C'est vrai. Confesse-toi, mon fils. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t'es quand même. C'est un effet d'expression qu'on ça gère tout ce qui est dû au langage corporel et au discours devant un public ou l'enseignement. En l'occurrence, là, je pense ça pour détendre du langage corporel. 3, 4, 5, 5. Si je dis 5 réussites de déclencheur, c'est pas mal, non? Oh là là, vous l'avez fini! Tu vois qu'en effet, en te regardant, il dit chroniqueur. Vous qui êtes qui n'avez qu'une parole, promettez-moi que si je vous dis toute la vérité, il ne me sera fait aucun mal, ni tenu aucun. Je le promets. Ok. Il dit. Mais on veut toute la vérité. Tout a commencé avec cette femme, cette pie du nom d'Alina que j'ai rencontrée sur l'épave il y a quelques semaines. J'ai fait l'erreur de lui confier. L'une de mes plus grosses erreurs, l'un de mes plus gros regrets, et depuis elle menace de le révéler à quiconque voudra faire avec moi si je ne fais pas tout ce qu'elle me dit. Et elle est récemment venue me voir en me demandant un espace pour entreposer quelque chose, je ne sais pas quoi. Je pensais que ces pauvres gens allaient simplement partir et... Mais vous savez, c'est du chantage et c'est puni par le coffin. Mais... Le texte stipule que ce genre de choses est prohibé. Vous auriez dû vous adresser à un juge dès le premier moment. Maintenant, si vous nous donnez plus d'informations sur elle, nous pourrions tout à fait régler ce problème à l'amiable de la même façon que nous avons réglé ce problème avec vous. Et tout en être en rang dans l'ordre. Peut-être que si jamais vous allez la voir et qu'elle sait que vous venez de ma part, elle va au contraire se retourner contre moi et tout dire et engager un de ses amis éperviers pour venir me casser la gueule, un de ces quatre. Écoutez. Je vous connais pas, je sais pas à quel point. J'ai peur. Tu vois que cet homme bourru semble tout de suite vachement moins agressif qu'à premier abord. Personne ne vient casser la gueule à quelqu'un qui est dans ma juridiction. Et je peux vous promettre que ce maître chanteur va finir par, comment dire, d'une façon ou d'une autre, ne posera plus aucun problème à n'importe quel honnête citoyen de justicienne. Alors, donnez-nous plus d'informations sur... Vous dites que vous l'avez croisé à l'épave. J'ai accompagné un ami il y a quelques semaines alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi sans n'avoir rien consommé ni fait quoi que ce soit d'illégal, il y a cette belle blonde qui est venue m'accoster et elle était si belle et elle a commencé à me parler et je suis tout de suite tombé sous son charme et voyez-vous, je pense que c'était réciproque, il y avait clairement une alchimie entre nous. Elle m'a avoué que j'avais plus de culture et de discussion que la plupart de ces gens de la ville. Alors les choses sont vite allées en besogne. J'ai commencé par lui payer un verre ou deux et nous nous sommes revus quelques jours plus tard. Et après avoir passé la nuit ensemble chez moi, je lui ai promis de l'aider à régler quelques soucis financiers qu'elle avait à ce moment-là. Et en effet, elle avait quelques soucis avec la justice, notamment pour des histoires de vol et des lettres de change qu'elle devait payer, mais... Alors, je me suis dit que je pouvais lui faire confiance et je lui ai confié que moi-même... J'avais fait 2-3 choses pas très recommandables dans ma vie et je pense qu'elle doit être dans une détresse affreuse car sans doute après avoir, beaucoup lutté contre elle-même, sa part d'ombre a finalement repris le contrôle et elle a décidé d'utiliser ses informations contre moi pour me demander toujours plus d'argent et maintenant elle décide... de récupérer l'un de ces appartements que je possède pour je ne sais quelle raison. Peut-être désire-t-elle se cacher, peut-être qu'elle a peur, elle aussi. Quelle terrible histoire. Et tout ça ne serait rien arrivé si jamais... Vous voyez, c'est ce moment de déviance, tout ça qui... Regardez, si jamais vous... C'est ça qui compromet les honnêtes citoyens, c'est... C'est... Je pense que, écoutez, si jamais vous avez d'autres ennuis, je vous promets que personnellement, quand je vais m'occuper de ce problème, croyez-moi. Ne me faites pas de mal, c'est l'amour de ma vie. Enfin, je pense qu'il est un peu tôt pour dire ça comme ça, mais... Ne vous inquiétez pas, j'agis toujours dans le respect des saintes écritures du Codex. Je vous remercie, et peut-être que si vous pouviez également l'aider à se libérer de sa condition actuelle. Peut-être qu'elle reviendrait vers moi. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie pour l'aider. Mais ne vous inquiétez pas, les juges travaillent aussi avec la rééducation des personnes. Des personnes. Je vous remercie. Oui. À qui ai-je l'honneur d'ailleurs? Je vous l'ai dit juste en entrant, je suis le juge Gettysburg. D'accord. Je n'oublierai pas votre nom. Écoutez, si vous avez... voir et dites-moi qu'elle ne me menace plus et j'abandonnerai mes injonctions à l'encontre de ce pauvre couple et de leurs enfants. Je vous promets que justice sera faite. Et si vous avez, je le répète, si vous avez un quelconque problème, adressez-vous au juge en première instance. Et si jamais vous avez un problème avec les juges, n'hésitez pas à vous adresser à moi personnellement. Je peux comprendre que certains collègues ont une philosophie. C'est la première caserne que je verrai. De toute façon... Exemplaire, dit-il à ce moment-là, Mokosh, en te dressant un certain regard. De toute façon, nous sommes rapidement remarquables. Allez, sur ce, bonne journée, monsieur. À ce moment-là, tu vois qu'il vous dit... il sèche un peu ses larmes. Vous voyez que tu saurais pas si... aujourd'hui, tu es particulièrement efficace en termes, on va dire, d'interrogatoire et que l'accumulation de vos trois personnalités ont vraiment eu un impact sur lui ou si c'est juste une question de chance, mais... Vous semblez complètement avoir percé à jour cet homme, t'avais rarement vu ça auparavant. Vous finissez donc par repartir. Et qu'est-ce que vous faites? Ça vous dirait une petite... Ah, quoique, parmi ces temps, j'allais dire une petite virée à l'épave, mais... Est-ce que l'épave est seulement ouverte? Je pense qu'elle est toujours ouverte, l'épave. En effet, vous pouvez supposer qu'il est ouvert, même si les gens ne seront peut-être pas forcément sur le point, etc. Ah, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez mieux ce lieu de déprave que moi, mais... Oh, de toute manière, fermée ou pas, la sécurité n'est pas incroyable. Une fois, j'ai presque jeté leur patronne du haut de la structure, alors bon... Et pourquoi tu ne l'as pas fait? un désaccord sur la distance que ça mettrait avant de le tuer. Cette réponse c'est incroyable. Bien. Mais oui, effectivement, je pense qu'il faut y aller. On a une petite visite à faire. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau, mais. Eh bien, c'est ça, pas le métier de juge. Faire le berger de quelques moutons égarés qui ont succombé. Au charme de la chèvre, si je puis dire. Dis-moi, vous êtes patron s'il parle. La brebis galeuse. Oui. Et là-dessus, donc, vous retraversez la ville. Vous vous dirigez en direction du port. Et vous passez vers une place, l'une des places, où normalement se trouvent quelques étals. Cette fois-ci, un petit peu plus, on va dire... aisé, on va dire, en termes de public que celle que vous avez l'habitude de fréquenter, en tout cas au niveau du technocentre et de la banlieue, où là, généralement, les gens sont assez pauvres. Lorsque vous vous rapprochez, en fait, du quartier de la Croix, qui est le quartier des Anabaptistes tout de suite, les standards évoluent légèrement. Là, vous êtes, en fait, il faut imaginer que vous êtes un petit peu à la frontière entre le quartier de Stukov, qui se trouve juste à votre nord, qui est vraiment, on va dire, un petit peu le quartier très dépravé de la ville. Là où on va pouvoir trouver quelques gangs, etc. Et le quartier de la Croix, qui est le quartier anabaptiste, qui est beaucoup plus régulé, et où vous avez quelques patrouilles d'orgastiques qui passent de temps en temps, ce qui fait que les marchands sont plus en confiance à s'installer dans cet endroit. Et donc vous remarquez que certaines des boutiques sont encore ouvertes. Vous avez des gens qui font la queue pour acheter de la nourriture, et vous avez également un forgeron qui guette quelques clients par la fenêtre de son établissement. Est-ce que vous décidez de directement continuer en direction de l'épave ou est-ce que vous souhaitez faire un petit saut soit au niveau de la boutique, soit au niveau du forgeron? Moi, si mes compagnons veulent bien m'attendre 2 minutes, j'aurais bien envie d'aller discuter avec le forgeron dans quelconque armurerie. De même. Très bien. Y'a pas de soucis. Eh bien, tu passes par la petite porte et tu vois en fait au moment où tu commences à t'approcher de sa boutique c'était écarté de la fenêtre comme pour ne pas se faire surprendre et puis simplement lorsque tu rentres à l'intérieur il te salue en disant bien le bonjour. Tu vois, t'as un homme avec une barbe rousse assez épaisse et des cheveux mi-longs plaqués en arrière. Bien le bonjour Anabaptiste, vous avez besoin de quoi que ce soit? D'ailleurs, Jacquard, tu es rentré aussi, il me semble. Oui. Ouais. Et du coup, Flux aussi, j'imagine que tu n'attends pas dehors. Oui, bah oui, bah oui. Surtout avec la tempête, oui. Oui, bien le bonjour, honnête commerçant. Que puis-je pour vous ? Dans mon cas, j'aimerais bien voir ce que vous avez comme armure légère. Très bien, suivez-moi. À ce moment-là, tu vois qu'il se dirige vers un petit coin où tu vois sur des mannequins entreposer plusieurs pièces d'armure. La plupart en cuir, mais certaines avec quelques morceaux de métal également. Eh bien, de votre côté, en regardant un petit peu ce que toi tu portes, dans une simple tenue, un simple manteau, est-ce que vous souhaitez complètement remplacer vos habits actuels ou mettre quelque chose en dessous de... un peu plus résistant, et face à quel type de danger souhaitez-vous prévenir Tous. Mais oui, l'idée ce serait... je n'ai pas besoin d'habits par-dessus, l'armure simplement. Une armure intégrale donc, du coup. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui pourrait vous intéresser, peut-être simplement une simple armure de cuir, tu vois, qui te pointe sur les étals, quelque chose qui a l'air de très bonne facture, que je pourrais vous vendre pour un peu plus de 300 lettres de change. Ou alors, plutôt, quelque chose peut-être de plus renforcé, te montre-t-il, enfin, te dit-il en te montrant une armure... incrusté de polac qui se trouve juste à côté. Celle-ci sera forcément moins légère, mais pas forcément inintéressant pour autant. À quel point gêne les mouvements ? Eh bien, vous serez sans doute plus lourde, mais vous résisterez bien plus à tout ce qui est objet tranchant ou pointu. Maintenant, en fait, toutefois attention à tout ce qui va être plus contondant. Les marteaux ont tendance à plier le fer et pourraient endommager certaines parties de votre corps qui se trouvent juste en dessous. Mais si vous vous faites attaquer par une bande de Gendo, croyez-moi que vous vous en sortirez bien mieux qu'avec la précédente. Maintenant, le prix n'est pas le même. Celle-ci coûte pas moins de 750 lettres de change, mais c'est d'une très bonne qualité. Je n'ai même pas assez pour la première. Tu remarques quand même que, malgré tout, elle n'a pas l'air si lourde que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de jeu, il n'y aura pas de conséquences. Plus lourde, mais pas suffisamment pour, par exemple, te donner des malus en combat. Ou... Je vois. Après, si vous le souhaitez, pour un peu moins cher... pour une quarantaine de lettres de change, je peux vous proposer une cape ou pourquoi pas un casque. Non, ça ira. Vous faites crazy ? Vous avez une ardoise ou quelque chose comme ça ? À ce moment-là, tu vois qu'il jette un coup d'œil à ton tatouage. Est-ce qu'il est visible d'ailleurs ? Eh bien, si je me souviens bien, c'est sur l'entièreté de mes bras et je n'ai aucune manche sur mon manteau. Pardon ? Je n'ai aucune manche sur mon manteau, vu oui, qu'elles ont été déchirées. Ça, ouais. Donc en effet, tu vois qu'il regarde et il jette également quelques coups d'œil aux juges qui sont juste derrière. Il fait « Malheureusement, je ne fais crédit qu'aux clients habituels en qui je peux avoir pleinement confiance ou... Peut-être si vous pourriez me fournir une lettre de vos supérieurs, Anabaptiste, qui attesterait qu'il paierait la somme si jamais je ne vous revoyais pas. Mais malheureusement, en l'état, il m'est difficile de vous la fournir pour tout de suite. Mais je peux vous la mettre de côté jusqu'à ce que vous soyez pleinement disponible. Ouais, mettez-moi ça de côté, je reviens dans 100 lettres de change. Quel était le prix, déjà ? 300. D'ici là, j'aurais peut-être reçu quelques codes de maille. Je l'ai fait faire par un confrère qui se trouve dans le quartier de la Croix et il devrait me la livrer d'ici quelques jours. C'est peut-être un bon juste milieu entre les deux. La côte de maille est moins chère que l'armure de plaque, mais un peu plus que celle en cuir. Pour l'instant, gardez-moi celle en cuir de côté. Très bien. Je vois qu'il la met de côté. Il la prend, il va l'amener en arrière. Votre nom ? Mokosh. Très bien. Quelque chose d'autre ? J'ai également des poignards, des couteaux de lancer, des haches. J'ai besoin de rien d'autre, moi, mais... En revanche... Oui ? J'aimerais voir si... Je ne sais pas si vous êtes plutôt spécialisé dans les armures, mais... Vous voyez, j'ai comme l'impression d'avoir un petit souci avec mon marteau. J'ai l'impression de plus avoir plus avoir la même vigueur qu'avant. Et je me demandais s'il serait possible de peut-être le rééquilibrer un peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire l'alléger ? Oui, peut-être. Mais je n'aimerais pas trop perdre en puissance de frappe, alors. Quel compromis vous pourriez me proposer ? Je pourrais m'occuper de le modifier pour vous. Il me faudrait sans doute quelques jours pour parvenir à un résultat plutôt concluant. Il s'agirait d'alléger le métal qui se trouve à l'intérieur. J'imagine qu'il s'agit là d'une demande afin de pouvoir le tenir plus facilement. En tout cas, à une main. À ce moment-là, il regarde un petit peu ton état. Non. C'est juste pour qu'il soit plus équilibré. Oui, eh bien, ça devrait être possible, mais je dois vous avouer que cela n'est pas donné pour autant. Oui. Peut-être donc, qu'il est-ce que vous pourriez me donner un... plus légère comme une épée ou une simple masse. Non, je veux conserver ce marteau. Est-ce que vous pouvez me donner un devis précis avec un délai précis et un prix précis? Eh bien, ça dépend combien de temps vous voulez que je passe dessus. Pour 2 jours de travail, j'accepterai volontiers 500 lettres de change. Maintenant, si jamais vous voulez du travail bien fait, on peut monter jusqu'à 1000 lettres de change. Mais soyez-en sûr à ce moment-là que votre marteau sera comme neuf, et bien plus même. Très bien. Eh bien, ce sera tout. Je repasserai peut-être... Très bien. Quant à moi, combien coûte un couteau de lancer ? Eh bien, pour un petit couteau de lancer, alors à ce moment-là, il t'emmène de l'autre côté de la boutique. Pour simplement une 40aine de lettres de change, je peux vous en fournir. Mais ils sont, ce n'est pas donné, mais ils sont relativement maniables. Vous en avez. Plusieurs par sacoche. En effet, tu vois que ça tient en plus. Bon, bah, je vous prends une sacoche. Très bien. Eh bien, ça vous fera 40 lettres de champ. À ce moment-là, tu vois qu'il est... Je te laisse les déduire de ta fiche. Ouais. Très bien. Alors, tu vas montrer les stats suivants, si tu veux, sur ta feuille. Tu peux donc écrire couteau de lancer. Attends, bien sûr. D'ailleurs, j'ai toujours pas ma dague dessus. Ah oui. Tu l'as pas, tu veux que je te donne les... Bon, on fera ça hors session. Ouais. Déjà, je prends les couteaux de lancer. Et... Ah. Histoire de pas la maniabilité est égale à plus 1. En fait... C'est handling. Pardon ? C'est handling, maniabilité ? Head. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que tu auras un bonus de 1 dé lorsque tu les utilises. Trop cool. Distance. La portée est égale à 1. 1 mètre ? Mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. En fait, là, pour l'instant, ça va être surtout des stats, en fait, si tu les utilisais, si tu utilisais les couteaux au corps à corps. Pour les lancer, ce sera à peu près la même chose. Ok. Damage. Ils font des dégâts égaux à 2 plus ta force divisé par 3. Donc sachant que tu as 3 de force, ça fera 3 de dommages. Ah oui. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est toujours ça, et pour rappel, ça peut augmenter avec des déclencheurs. Et puis bon, je les prends pas en arme principale. C'est ça. Et ça a également une propriété, alors qui normalement devrait relativement être utilisée pour le corps à corps, mais d'ailleurs que je vais t'autoriser à utiliser à distance si tu en lances plusieurs, qui est, ça va te rappeler quelque chose, la régularité. Puisque si jamais tu fais deux déclencheurs, donc tu peux écrire régularité deux déclencheurs. Donc si jamais en effet tu obtiens le bon nombre de déclencheurs, donc 2, tu pourras immédiatement réattaquer à nouveau avec un malus de 2 dés. Et c'est cumulable sur plusieurs fois d'affilée. Parfait. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Une fois que vous avez acheté... une fois que vous avez fait vos achats, tu vois qu'il vous remercie, puis qu'il vous invite à revenir plus tard. Bye bye. Bye bye. Dans ta sacoche, on considère que t'as environ 5-6 couteaux. Pour l'instant, je te demande pas d'en tenir le compte. On verra en question si jamais pendant une partie tu en jettes plein, au bout d'un moment je te dirais bon là il t'en reste plus que deux, là il t'en reste plus qu'un seul. Mais vu qu'a priori tu pourras les ramasser, sauf dans certains cas, peut-être que là on commencera à en donner un nombre. Pour l'instant je considère voilà, on se prend pas trop la tête avec ça. Tu veux toi. Voilà, il y en a une demi-douzaine. Et vous vous dirigez alors en direction de l'épave, à moins que vous ne souhaitiez faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, je précise que là, la nuit commence doucement à tomber. Malheureusement, c'est difficile de se repérer à Justicienne de nuit, puisque avec la tempête, on a du mal à voir les éclairages. Mais ça se fait. Vous connaissez le chemin, vous connaissez bien la ville, donc vous devriez pouvoir rentrer. Après, c'est l'épave, hein. Il y aura sûrement plus de monde la nuit, de toute manière. Oui. C'est vrai que deux jours, de toute façon, vous auriez eu peu de chance de la croiser. D'ailleurs, pour rappel, son prénom est Tanina. Bon. Est-ce que vous pensez qu'un... Vous connaissez l'endroit plus que moi. Est-ce que un juge, l'épave... Personnellement, que ça passe. Trop, c'est surtout, alors, si jamais tu t'y rends en tant que client, tu sais que ça peut passer. Enfin, simplement, tu diras que t'es un juge qui est là pour passer du bon temps et on devrait te laisser rentrer. Sans doute que t'attiseras quand même certains regards, peut-être même quelques rires dans le dos. T'espères pas que la répande, enfin que la rumeur de ta présence ici se répande, mais après, tant que tu fais rien en soi sur place, c'est pas non plus si répréhensible que ça. Après, forcément, si tu viens en mode « je suis la loi, je vais vous apprendre les bonnes manières », là, tu risques de finir dans une OL avec 4 éperviers autour de toi en train de t'apprendre eux-mêmes leur vision des bonnes manières. Donc en effet, par exemple, c'est la même pour l'hospitalier, il me semble que Torek était déjà venu dessus, mais c'était fait un peu... Parce que pareil, voilà, il était pas là pour passer du bon temps et qu'il avait pas envie non plus de... Ah oui, 2 fois sur 3, il était pas là. Oui, c'est généralement, il restait devant, mais il me semble qu'il était peut-être monté. Enfin voilà. Après, tu peux aussi simplement... enlever ton manteau, mettre ton chapeau autre part, et puis tenter d'y aller entre guillemets un petit peu incognito. Bon, par contre, le marteau... Ouais, ça, le marteau trahira sans doute un petit peu tard. À moins que tu souhaites le laisser chez le forgeron. Je propose qu'on discute peut-être avant d'entrer un peu de... Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on fait comme... Peut-être un petit plan, quoi. je suis d'accord. On connaît notre cible qui est Alina, si je me trompe pas, dans mes notes internes. On sait qu'elle fait chanter notre patron Sarkas, qui lui-même, du coup, veut virer Sonia et Bran. Du coup, il faut qu'on aille lui parler, qu'on lui fasse comprendre que, bon, le coup de l'amour fou, c'est bon, on connaît, hein, les pies. A-t-elle honte déjà? Oula, je ne sais pas formuler cette phrase, mais les pies savent-elles avoir des sentiments? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais. Moi, coche doucement avec ton arme, on est quand même en public. Alina. Oh, c'est ça, c'est bien, j'ai bien noté pour une fois. Il faut tout simplement qu'on aille lui dire de. Bah, c'est bon, c'est pas le bon pigeon, celui-ci. Malheureusement, bah, y a nous entre. Il y a, comme Mokosh l'a dit devant lui, hein, y a un problème voilà, qui peut se créer. Et qu'aucun d'entre nous l'arrêtera si jamais Mokosh veut s'énerver. Donc, non, honnêtement, faut juste lui faire peur, lui dire c'est bon, tu l'oublies. Et que, déjà, faut oui, s'assurer par contre qu'il n'y a pas de répercussions. Parce que bon. Voilà. Et voilà, c'est tout. Juste qu'elle l'oublie. Après, honnêtement, on tend y aller comme des gros sabots. Hein. Les apocalyptiques sont pas connus pour être très cléments. Et en plus de ça, on connaît leur mode de vie. Donc, si on met pas un coup de choc, ça fera ni chaud ni froid. Donc, ouais, allons-y de manière très frontale. Exactement. Allons-y de manière très frontale. Et assurons-nous juste qu'elle fera pas de bassesse. Voilà. Et d'ailleurs, il faut pas oublier de dire qu'on vient de la part de Patro Sarkas, qu'il a demandé. Donc, notre parole, on vient de sa part. Non, je ne sais pas. Ça dépend comment ça se passe, mais honnêtement, si on peut, je trouve ça rigolo. Si on ne peut pas, mieux vaut éviter. Comme on vient le défendre, dans tous les cas, elle sait qu'on vient de sa part, hein, en soi. Ouais. Je veux dire, on vient, on lui dit, bon, écoute, ce mec, tu l'oublies, dans tous les cas, elle va savoir qu'il est lié à ça, donc... Oui, du coup, moi, je pensais plus pour l'aborder, aussi. Donc, on y va frontal, on veut voir Alina. Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, non, okay. Les apocalyptiques vont pas se poser de questions, je pense que Mokosh en a assez côtoyé pour confirmer, mais... Bon, tu dis que tu veux voir telle personne, il dit juste « Ok, c'est là, quoi. » Et pour vous, le costume, tout ça, je garde. C'est vrai que c'est une bonne question. Si tu veux éviter les ragots, tu peux te costumer. Sinon, sinon rien à faire. Ça dépend. Qu'est-ce que je m'en fous de ces ragots ? Allez. On est juge ou on l'est pas. Allez, moi je dis on y va, et puis d'accord. Ah, ça aidera à mettre la pression. Voilà. Ok. Là-dessus, vous vous rendez donc sur l'épave. L'épave, ça fait longtemps que vous n'y êtes pas rendu. C'est ce grand bateau qui se trouve amarré au port de Justicienne. Et qui dépasse comme ça, qui sort du marais de la vase, même si aujourd'hui cette dernière est à peine visible à cause de la tempête. Vous savez que l'épave n'a pas très très bonne réputation. Mais, cette dernière bénéficie toutefois en fait d'un certain soutien de la part des juges. Puisque c'est la nuée qui s'y trouve, et ce qu'on pourrait appeler une nuée assez équilibrée. On a connu bien pire à Justicienne, et c'est pas l'épave que n'importe qui pourrait venir en demandant à commanditer un meurtre ou à consommer des produits hautement dangereux. Comment dire, en fait, certaines nuées ne se contentent pas qu'aux bourgeons et vont faire des cocktails vraiment, vraiment problématiques pour les juges. Ici, en fait, c'est un petit peu, on va dire, la limite du tolérable pour ces derniers. S'ils pouvaient, ils s'en débarrasseraient bien, mais c'est un petit peu le moins pire qu'ils aient à leur disposition. D'ailleurs, la nuée en question s'appelle les Cavaliers de la Poussière. Du coup, en effet, vous passez à ce niveau-là. Vous voyez donc ce colosse embourbé dans le limon et vous commencez à monter à son bord. En fait, un petit peu sous les regards des gens qui s'y trouvent. Pour vous redécrire la population, vu que la nuit commence à tomber, on va y trouver beaucoup de clanistes et beaucoup de ferrailleurs qui, en fait, après leur journée, se rendent sur le navire. Le pont, lui, est quasiment déserté. Vous voyez, en fait, les gens qui sont là. Certains consomment de l'alcool. Lorsque vous rentrez au niveau du pont principal, on a l'impression d'avoir, en fait, une espèce de salle de concert aménagée avec un bar. Et quelques pistes. Vous savez que lorsque les gens trouvent leur compte auprès des pies des apocalyptiques qui rôdent, ils ont tendance alors à s'enfoncer au sein du navire afin d'y découvrir ce qu'ils peuvent. Enfin, afin de profiter de ce pourquoi ils ont payé. Vous, à votre niveau, les gens sont encore assez, tranquilles. Vous voyez qu'on vous garde à l'œil, mais... les gens discutent et votre présence ici ne semble même pas tant que ça poser problème. D'ailleurs, Jacquard, de ton côté, tu aperçois un autre juge en train de discuter avec une pie à l'autre bout de la pièce. Et au moment où tu rentres, tu vois qu'il te regarde avec un certain sourire comme si c'était un secret à garder entre vous deux et qui se disait « Ah, toi aussi je ». Je le dévisage bien salement. Tu vois qu'il semble pas comprendre le problème que ça lui pose et tu l'entends parler au loin, discuter avec cette fille et lui dire « Oh, mais on n'est pas tous comme ça, vous savez, c'est qu'une minorité Qu'est-ce que vous faites ? Je propose que Mokosh parle, hein, parce que entre un juge, un chroniqueur et une anabaptiste, elle sera la mieux accueillie ici. Ouais. Bon, bah du coup, je m'oriente le plus rapidement vers ce qui semble être les habitués, ou en tout cas des pies qui gèrent ce genre de choses. Ok. Tu commences en effet à t'approcher et je vais te demander un jet de charisme étiquette, s'il te plaît. Charisme étiquette. Ok. Trois déclencheurs. Ok, très bien. Et c'est tout. Y'a rien de ça. Ah, je m'excuse vraiment, en fait, j'aurais dû prévoir une petite ambiance pour l'épave. La musique d'habitude, je trouve, lui rend pas trop hommage. Il faut vraiment imaginer, en fait, cet endroit un petit peu festif, perdu au milieu de justicienne qui est, elle, très grise et très triste. Imaginez un groupe comme ça qui est en train de faire sonner quelques basses. Tandis que les gens jouent aux cartes, boivent des coups, parient, et puis font un Miami avec les pieds. Tu m'as dit que tu avais fait trois déclencheurs, et en effet, toi, de ton côté, Mokosh, peu de temps après, peut-être comme ça, on va dire, infiltré au milieu du groupe, t'es rapidement abordé par plusieurs pies. Notamment deux hommes et une femme qui tournent un petit peu autour, comme si ils essayaient de voir lequel d'entre eux t'intéressait le plus. Est-ce que l'une d'entre elles est une blonde ? C'est jamais. Non. Ok. Je soutiens le regard avec une des filles pour qu'elle comprenne qu'elle m'intéresse et qu'elle se rapproche. Ok. Tu vois, elle commence par t'adresser un assez suave bonsoir. Bonsoir, je cherche Alina. Ah, je vois. Elle se trouve en bas, si tu veux la voir. Mais n'hésite pas à revenir me voir si jamais elle est occupée. J'y penserai. Mais du coup, je vais en direction de ce qu'elle m'a indiqué et en faisant signe à mes compagnons de me suivre. Parfait. Tu t'y rends. Est-ce que le reste du groupe te suit? Bien sûr. Ok. Toi, tu vois Flux également à un certain moment qu'on pose une main ou deux au niveau de tes épaules. Et lorsque tu te retournes, tu vas voir des pieds qui t'invitent à, par exemple, aller boire et discuter avec elle. Ou eux. Si je peux, pour m'amuser, je sais pas si je peux faire ça, tiens, c'est une excellente question pour, je sais pas, le futur. J'éteins un œil sur deux, tu sais, pour faire clin d'œil. Moi, ça va, tu peux parfaitement faire ça, je trouve cette idée absolument folle. Ouais. Ben voilà, comme si. Vous vous rendez en bas du de la carcasse et en longeant un petit peu les gens qui s'y trouvent, qui est là le coin plus où on va consommer de la brûlure en masse, assis ou allongé sur des matelas, vous tombez finalement par sur une fille blonde. Vous entendez s'appeler Alina, puisque une autre personne à côté à un moment dit son nom. Elle dit même plus que ça, elle dit Alina la rêveuse. Ça semble être son nom complet. Vous lui adressez la parole? Ouais. Je me rapproche tout simplement. Ouais. Et je vais lui dire Alina. À ce moment-là, elle redresse sa tête, elle te fait on se connaît? Pas encore. Très bien, qu'est-ce que je peux pour toi? Tu vois qu'elle n'avait pas l'air spécialement occupée à part consommer quelques bourbons. Un coin tranquille et un tarif pour 3 personnes. Oh, je vois. Suivez-moi. À ce moment-là, vous conduisez encore un étage en dessous où cette fois-ci vous tombez nez à nez avec plusieurs chambres privées. Cette fois-ci, la résonance de la musique qui se trouve à l'étage se fait quasiment imperceptible. Vous entendez seulement quelques bruits légèrement tendancieux, sûrement les effets de quelques ébats à travers 2-3 cloisons un peu trop légères. Et vous finissez dans une espèce de grande chambre avec un grand lit, avec de jolis oreillers, une petite ambiance très chaleureuse, éclairée à la bougie, avec quelques encens éparpillés au milieu de la pièce. Alors que vous rentrez dans la pièce, vous voyez qu'elle commence par sortir de nouveau quelques bourgeons et vous en propose... Apprenons-nous à nous connaître avant d'apprendre à se connaître. On fera ça. D'accord. Je vois pas le temps, c'est ça? Non, pas le temps. Mais toi, te prive pas si tu veux. À ce moment-là, tu vois qu'en effet, qu'elle en saisit un. Elle sort une petite aiguille de sa poche et elle le perce avant de le poser à son nez. Salut et de à tous le mettre, et à toutes. D'un bon coup. Vous restez là, comme ça, droit comme des piquets? Non, moi je vais m'installer dans un coin. Il doit y avoir un siège tranquille pour s'installer. Ok. Moi, tu vois qu'elle semble légèrement mal à l'aise face à votre comportement qui semble vachement froid et rigide pour de potentiels clients. Moi je suis resté à la porte, hein, pour te dire, tu sais, genre, je suis au niveau de la porte, je suis droit comme ça. Il y a un lit, j'imagine? Oui. Alors, moi, je vais m'asseoir dessus, puis je vais penser... Tu sais, Alina, c'est un ami à nous. Ça avait été recommandé. T'as recommandé, oui. Qui ça? Ah, je sais pas si tu le connais vraiment. Toujours. Il s'appelle Patro Sarkas. À ce moment-là, tu la vois réfléchir et puis faire... Non, je vois pas. Enfin, peut-être. Attendez. Et elle se retourne vers le petit meuble et on sort une espèce de livre. Et puis elle, comme un registre de compte qu'elle consulte. Et quelques instants plus tard, oui, oui, si, oui, bien sûr. Comment va-t-il ? Bon. On sait tous ici que c'est un peu dans ton habitude de prendre... nous respectons tout à fait ça. Respectons tout à fait ce que tu fais pour vivre. Mais on sait bien ici que tu profites quand même un peu de 2-3 gars un peu paumés de temps en temps. Bon, s'ils sont cons, c'est un peu leur faute quelque part, mais pour leur soutirer quelques trucs. Ok, je vous arrête tout de suite. Si jamais vous avez besoin de... Ah, t'inquiète pas, je t'arrêterai pas pour ce genre de conneries. Et je serai pas assez con pour venir t'arrêter en plein milieu l'épave, quand même. Mais tout ce que je veux dire, c'est que... Bon, on va dire que Patron Sarkas, grand débile qu'il est bien sûr tombé fou amoureux de toi, et bien sûr... Moi, tu l'as voir rigoler, un peu. Oui, bon... Moi aussi. C'est vrai qu'il est bien con, et que tu te demandes parfois comment il a fait pour devenir aussi... pour profiter aussi bien de ma vie, mais... Tout ce que je vais avancer, le point final, c'est que, on va dire que, bon, peut-être que tu t'en souviens pas, mais récemment, tu lui as fait une demande qui empiètre, on va dire, sur nos intérêts. Je pense que, au vu du carnet que tu viens de sortir, tu dois parfaitement, comment dire, peut-être que tu sais pas, je sais pas laquelle exactement, mais, tu dois avoir de nombreuses choses similaires et une de plus, une de moins, ça ne va pas, comment dire, grandement gêner tes affaires. En effet, mais le business, c'est le business. Et voyez-vous, vous n'êtes pas en position de négocier. Si jamais vous vous montrez trop intrusif, je n'aurai qu'à crier pour qu'une bonne dizaine d'éparviers débarquent dans la pièce avant que vous n'ayez le temps de faire quoi que ce soit. Alors... Et t'as baissé un juge, un abalaniste. Et un chroniqueur, c'est ça ce que valait pas? C'est se brouiller avec la moitié des factions de justiciennes? L'autre. À partir du moment où l'autre moitié est avec moi, oui, ça me va. Quelle moitié? Parce que, dernière nouvelle, les Jametan et les clanistes, même s'ils composent la majorité de vos clients, comment dire, si jamais... Il n'y avait plus les juges dans cette ville, ça ne tiendrait plus. Comment dire? Bon, je pense qu'on sait tous les deux que nos factions sont un peu quelque part complémentaires, et sans l'une ou sans l'autre, on peut pas exister. Vous avez l'air plutôt ouvert d'esprit pour un juge. Oui. Bon, si vous êtes si attaché à ce Patros, Patras, tu vois qu'elle relit son livre. Patros. Peut-être pourriez-vous me proposer une offre plus intéressante? Si jamais vous me proposez mieux que ce que lui a me proposé, j'accepterai de le laisser tranquille. Mais juste rayer son nom de la liste comme ça par sympathie, non, désolé. C'est pas trop dans le genre de la maison. Bon, nous sommes au courant que... juste que tu as demandé un local... Hein. Du coup, ça serait sur ce genre de marché? Pardon, tu peux répéter? Nous sommes au courant, du coup, que tu as demandé un local. Est-ce que c'est ça, du coup, que tu négocies, ou... En effet, j'ai besoin d'un endroit pour entreposer des choses. Quel genre de choses? Fais-moi un jet de charisme séduction, s'il te plaît. Alors, non pas qu'ils soient en train de la séduire, mais c'est simplement pour le côté, on va dire, sympathique. Vu qu'ils utilisent séduction au sens large, vu que ça sert aussi, d'accord, par exemple, au charme ou à l'obtention d'informations. Et pour l'instant, on n'est pas trop dans une contre-proposition, donc on est plus dans quelque chose de... J'avais mis aucun point, parce que forcément, une armure séduit difficilement. Mais il n'y a pas de souci, parce que j'ai fait quand même 3 réussites et un déclencheur. Ah, c'est très fort. Oui, de toute façon, de base, t'as pas mal de points en charisme. Ouais, c'est ça. Ça compense. Tu vois qu'en effet, tu sembles avoir un ton assez posé, et mine de rien, malgré ce que peut-être que ce n'était pas l'intention de Jacquard, mais par rapport aux propos que tiennent les juges couramment, le fait de dire que les apocalyptiques étaient complémentaires aux juges n'est pas non plus extrêmement menaçant directement envers elle, et pour l'instant, Mokosh non plus, et tu vois qu'elle semble finalement assez confortable. En plus, elle se trouve dans un endroit qu'elle connaît, et donc elle s'assoit sur le lit. Et commence à parler. Elle te dit j'en ai besoin pour entreposer des choses que j'achète et que je revends ensuite. Et que j'aimerais pouvoir déposer dans un lieu sûr, un endroit que personne ne soupçonnerait. D'où ces choses en elles-mêmes, je veux dire, mis à part par leur côté volé, elles sont plutôt illégales ou... Ou c'est plutôt oui. Des objets. Ouais. J'ai pas forcément. Maintenant, voyez-vous, il m'est relativement confortable de parler de ça avec un juge dans la pièce. Et un chroniqueur. Je n'ai pas vraiment du genre à regarder les choses pour vous. Vous non plus. Tu vois, oui, parce que. Si vous êtes du genre à négocier, il faut qu'on sache du coup ce qu'on négocie. On peut pas négocier à l'aveugle. Eh bien, comme je le dis, voilà. Un local. Pour que je puisse entreposer ma brûlure en attendant de la revendre. Notamment à un prix plus cher. Et ne me faites pas ce regard, dit-elle en te regardant, Jacquard. Vous savez très bien qu'on en a tous. Et on sait très bien que vous avez déjà tous testé au moins une fois. Ça, c'est vous qui le dites. Mais en attendant, non, si je peux revenir sur ce que tout à l'heure, entre ce lien qui nous unit. Nous, les apocalyptiques et nous, les juges, ce que je trouve quand même assez amusant, c'est qu'en soi, comment dire, un clan d'apocalyptiques, bon, bah, si ça plaît pas, ça change assez rapidement, on va dire. Ça reste ou ça part. Alors maintenant, voilà, on va dire que il y a une des deux parties qui semble un peu plus remplaçable que l'autre, on va dire. Maintenant, là, c'est quand même, Alina, je pense que tu t'en rends bien compte que ce que tu es en train de nous demander, c'est plus que l'acceptable. Et alors, dans ce cas-là, je vais prier de quitter la pièce immédiatement. Nous en avons fini. Ou alors, vous me donnez de quoi payer un nouveau local. Combien ça s'élève ? Pour 1500 lettres de change, j'accepterai de laisser cet homme tranquille. Il y a peut-être moyen. Ouais, 1500 c'est beaucoup, mais. Il y a peut-être moyen. J'aimerais juste parler juste derrière cette porte. Il n'y a pas d'autre issue hein, dans la chambre. Là, je demande plus au MJ. Non, il n'y a qu'une seule porte, c'est celle par laquelle vous êtes entré. Oh. On pourrait juste retourner dans le couloir pour en discuter, parce que c'est une sacrée somme. Donc, faut qu'on en discute entre nous. Mais c'est déjà plus jouable et négociable. Je vais juste en parler si ça vous dérange pas avec. Mes compères, et on revient à vous d'ici une minute. Pas de soucis, mais dépêchez-vous, j'ai un de mes clients habituels qui devrait pas trop tarder à arriver. De toute façon, on n'a pas non plus trop de temps à perdre. Il prend pas mal de risques pour récupérer l'argent qu'il utilise pour me payer, alors j'aimerais que. Il ne soit pas déçu. Oui, c'est intéressant. par un retard et... ou une présence non voulue. J'ouvre la porte et je laisse mes compères sortir pour refermer la porte. Parfait. Je précise aussi, si jamais ça peut t'aider dans ta réflexion, avec ton imprimante à lettres de change, tu pourrais potentiellement essayer d'imprimer une forte somme comme ça, mais tu serais forcément obligé de rendre des comptes au serveur dans les jours à venir pour expliquer dans quoi va dû partir cette somme, puisque plus que ton seuil autorisé normalement. Et d'ailleurs, la machine se bloquerait juste après. C'est exactement ce que je voulais dire, mis à part que je savais pas que la machine se bloquerait, mais... Du coup, vas-y, je te laisse. C'est pour ça que j'ai dit que c'est largement négociable, parce que si je n'ai pas l'argent sur moi, j'ai toujours, du coup, une imprimante à lettre de change. Donc, il y a moyen de négocier. Là où ça me dérange, c'est que derrière, je dois rendre des comptes, et derrière, surtout, je finance une apocalyptique pour laquelle je n'ai aucune sympathie ni de raison de financer. Le problème étant, c'est qu'on est quand même en plein milieu de l'épave et que c'est peut-être un peu compliqué d'user de la force ici. Mis à part si c'est très rapide, très violent, genre avec une arme à deux mains... voilà. Bah, il faudrait que ce soit vraiment très vif comme action. Mais voilà, je veux dire, en dehors de ça, 1500 lettres de change, je peux les sortir de mon imprimante, mais... Ça soulèverait beaucoup de problèmes, et moi, ça m'ennuierait quand même beaucoup de financer ça. Donc je ne sais pas ce qu'on propose là, au retour, ce qu'on fait. Parce qu'elle est clairement, pour l'instant, randomisée à la conversation. Eh bien, je propose que tu imprimes quelques lettres. Et que... On passe... Je mine quelques trucs. quelques gestes. voilà. Un peu extrêmement violent. Et bien sûr... pas un bruit. Alors maintenant... La principale opérationnelle, si ça est-elle pareille pour ça, parce que je ne veux pas lancer. Moi, j'aime beaucoup l'idée, mais il y a quand même des témoins qui savent que c'est nous qui étions avec elle. Oui. Ça peut poser problème dans le futur quand ils vont découvrir une bouillie de billets. Faut organiser autrement, je sais pas. Faut aller la tirer dehors. Ouais. Alors, pour essayer, je sais pas. Je pensais qu'on dominerait beaucoup plus cette conversation, ça me fait chier. Ouais. Ce que je peux proposer. Les filles sont maîtresses dans l'art de. Et oui. D'avoir ce qu'elles veulent. Ok. Ce que je peux proposer, c'est que on lui propose d'aller voir en fait, moi ce que je vois, c'est soit qu'il faudrait trouver une information compromettante sur elle, simplement pour faire le chantage, mais ça va être compliqué. Soit genre un prétexte bidon, mais je pense qu'elle est assez maligne pour dire non. En mode, bah viens, ok, tu nous montres ce que tu veux comme entrepôt, qu'est-ce qui te plairait, en quel coin. Ou alors, en mode, écoute, on joue une carte en mode full innocence, en mode, c'est des pauvres gens qui sont en train d'être délogés, viens me voir leur maison, ce sont juste des pauvres petits, des petits travailleurs, que, oh là là, allez. On n'en a rien à faire, hein, tu sais, voilà. Ou alors on pourrait bluffer. Une fausse info, je sais pas. C'est chaud. Ou alors je retourne sur une idée qui m'avait traversé l'esprit dans la salle. Je peux proposer mon local. tu peux t'arranger avec des juges pour l'avoir sur le fait sans du coup me compromettre ni moi ni mes aides. Comme ça, tu attrapes l'apocalyptique, tu récupères en plus de ça une forte dose de drogue qui traîne dans la ville. Et normalement, les répercussions devraient être un peu moins puisque c'est juste entre elle et nous. Sauf si elle en parle, mais du coup, faut que ça se passe très rapidement. Ok. Alors, dans ce cas-là, je te laisse mener la négociation de... Ok. Ok. Tu me garantis du coup qu'il n'y aura pas de retombées, surtout pour mon équipe qui n'ont pas besoin de ça dans la vie. Je ferai en sorte. Merci. Très bien. Retournons dans cette salle. Alors que vous apprêtez à y retourner, vous entendez des bruits de pas dans les escaliers. Et une silhouette semble vous barrer la route en derrière un moment de se rendre à son niveau, avant de s'arrêter net juste devant vous et de vous regarder droit dans les yeux. En effet, cette silhouette, vous la connaissez bien, et vous-même, vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas vous empêcher de la regarder droit dans les yeux également. Il s'agit de Casse-Gueule, la jeune recrue de Flux, avec les quelques lettres de change que tu lui avais données en rap tout à l'heure en main. Tu vois qu'il te regarde, il ose pas trop parler. Il y a juste un silence horrible donc là. Je viens toujours autour rouge, en effet t'as juste ce silence absolument gênant de. Je m'écarte pour le laisser passer s'il veut passer. Je lui mets la main sur l'épaule et je fais oh bah c'est bien gamin, t'apprends la vie. Bah, en même temps, il est majeur, hein. Il a le droit, il est vacciné. Ouais, il a 19 ans. Honnêtement, moi je l'ai juste mocoche décalé, la petite remarque de Jacquard. Moi je ne dis rien et je veux juste le voir partir comme ça. C'est pour que ce silence soit pour lui plus horrible que si j'aurais fait une remarque, tu vois. Tu vois juste que du coup, plutôt que de se rendre dans la pièce, je lui dis je vais y aller. Et puis il repart de l'autre côté. Hé hey, Flux, tu vas pas le déniaiser? Le déniaiser? Je reste que je suis avec lui. Je vais rester concentré sur notre affaire principale. Ouais. Et tu prends la note de plus jamais lui donner de lettres de change supplémentaires ou de vérifier que les prix sont bien montés lorsqu'il te le dit. Con. Oh là. Bon, ouais, j'ouvre la porte. J'essaie d'oublier là cette scène qui vient de se passer. Et je me recentre sur Alina. Ok. Alors, bon. Vous êtes prêt à me payer? Disons qu'il y a moyen que je trouve un local pour toi. Il sera malheureusement pas si isolé que ça, donc il faudra que tu fasses attention quand tu t'y rendes, juste de pas traîner ça, pardon, de façon évidente. Que je me souviens du nom du quartier, excuse-moi, je l'avais oublié. Hop, la carte, je l'ouvre. Je suis, du coup, moi, je crois, de souvenir... Dans alors, quand je te dis ça, crevasse. C'est The Crack, exactement. Ouais. Ah ouais, dans le crack. Du coup, voilà, il se situe dans le crack. Et... ça serait un petit local, il est pas énorme, et... Je pense pas que tu comptes y mettre des tonnes de kilos non plus. Il te permettra d'y stocker les choses, il faudra juste encore une fois que tu sois prudente quand tu y vas. Par contre, il est mitoyen à mon atelier, donc je te demanderai quand tu y vas de n'avoir aucun contact physique ou oral avec tout simplement l'atelier. Comme si tu étais tout à fait... Mais du coup... Qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans l'affaire? Ça me fait quand même prendre beaucoup plus de risques, ça me demande de vous faire confiance, de me rendre dans un endroit mitoyen, un endroit habité, alors que je pourrais tout simplement continuer de faire pression. Écoute, est-ce que tu... je vais t'expliquer un truc. Tu crois que nous, les juges, on s'attend à trouver un local en plein milieu de la pampa, isolé comme ça, dans la campagne justicienne, ou là où tout le monde vit, tout le monde passe, où la vie a son cours. Honnêtement, c'est la meilleure cachette que tu puisses imaginer. T'es au plein milieu des gens. Alors c'est sûr que ça rend un peu plus difficile, peut-être, le trajet, mais crois-moi, d'expérience, la plupart des juges que je connaisse ne penseraient même pas à fouiller quelque chose, surtout si c'est mitoyen à l'atelier d'un chroniqueur, quoi. On a déjà bien assez de soucis avec les autres factions justiciennes pour pas s'emmerder à paralyser toute l'économie de la ville. Fais-moi un jet de charisme négociation, s'il te plaît. Avec un bonus de... Charisme. Avec un bonus de... De 2, parce que j'aime bien la manière dont tu les parles. Ok. Et les arguments que... Alors, là par contre, j'ai vraiment un dé qui me manque. Alors, je peux rajouter On lancera un qui sera. Ok. Là. Ok. Oula. Le 6 normal et. Alors, hop. Donc, 5 réussites et un déclencheur. Et du coup, je relance un. 6 réussites et un déclencheur. Ok. Oui. Tu vois qu'en effet, tu es en train vraiment de lui offrir une opportunité, on va dire, de sécurité. Tu lui vends le truc comme étant le meilleur endroit du monde. En effet, c'est un petit peu le sapin caché au milieu de la forêt, puisque on n'irait jamais fouiller une zone aussi, on va dire, riche, et certainement pas l'atelier d'un chroniqueur. Comparé, en effet, aux petits locaux qu'elle vend de son côté, qui sont tout miteux, là où les juges patrouillent près des casernes. Tout de suite, en contrebalançant, ça paraît vraiment très très intéressant. Et tu vois qu'elle te dit finalement... Ok, c'est d'accord. Mais si jamais vous me la mettez à l'envers, je dirai à tout le monde que Patros a tué son frère. Ainsi que l'endroit où il l'a enterré. D'accord. On fera très attention. Nous aimons beaucoup, ainsi que quoi ? Ainsi que l'endroit où il a ? Où il l'a enterré. Il a été enterré. Et c'est où ça ? Ça, je le garde pour moi. Elle te dit en souriant presque d'une manière de bien essayer quoi. T'as jamais pensé à cacher des bourgeons dans une tombe ? Tu vois qu'elle te dit c'est pas si bête, mais vu que le fait de déterrer une tombe est un délit en soi, ce serait un peu risqué, non ? Oh, je sais pas, t'as qu'à dire que t'étais en train d'enterrer quelqu'un. Ouais. Bah, de toute façon, c'est toi qui dois être plus t'y connaître que moi. Attends, je viens de quoi. Ok. Là-dessus, elle vous salue et puis elle vous invite à repartir en guettant à droite à gauche dans le couloir, en espérant voir si son prochain client était en train d'attendre ou pas, mais visiblement, ce dernier n'est pas là. Au moment où vous repartez dans les escaliers, vous recroisez l'autre juge de tout à l'heure qui, Jacquard, en passant, te lâchera un petit « Alors, on se la donne ?» Et j'imagine que tu leur rendras un regard aussi noir que tout à l'heure. Ouais, je lui réponds même pas, je continue et... Puis vous vous apprêtez voilà. à quitter l'épave jusqu'au moment où 4 éperviers se mettent à vous barrer la route de la sortie. Et à ce moment-là, une voix se fait entendre juste derrière vous et dit « La corneille souhaiterait vous parler. » À tout le groupe ou bien nous en particulier ? À ce moment-là, la voix qui se fait entendre juste derrière votre dos... Mets la main sur l'épaule de Mokosh, la retourne et fait celle-là fera l'affaire. Et à ce moment-là, toi, Mokosh, tu reconnais assez bien le visage de Angel. Je sais pas si tu t'en rappelleras. Ouais, je m'en souviens. C'était l'apocalyptique que vous aviez rencontré à l'épave lors de votre. Ça peut pas dire grand-chose en termes de RP, mais lors de votre première mission avec Torik et Abby. Son visage va mieux. En effet, il s'était fait casser la figure à l'époque, mais il a repris des formes. Il semble pas être spécialement agressif, mais vous voyez qu'il est en train d'exécuter des ordres, donc il peut pas se la jouer amical, à vous serrer la main ou à vous faire des accolades. Enfin, surtout toi, Mokosh, puisque les autres, il les connaît pas. Ouais. Vous autres, vous attendrez dans le couloir. Et à ce moment-là, on vous redirige du coup de nouveau du côté inverse de l'épave. Comme si de rien n'était, personne n'avait même vraiment réalisé ce qui s'était passé, puisqu'il faut imaginer qu'il y a un petit peu de cohue, qu'il y a un petit peu de monde, donc en fait, le fait que quatre éperviers comme ça se mettent en face de la sortie, ça ne se voit pas trop. Et vous êtes redirigé jusqu'au bureau de Axel Lacorneille. Axel, c'est donc une corneille que Mokosh avait fréquentée à une époque, puisqu'elles avaient une amie commune, la fameuse Abby Cœur d'Obsidie. Le bureau, Mokosh, d'ailleurs, tu t'y étais déjà rendu à une époque, tu vois qu'il est vachement bien décoré. Tu découvres un endroit resplendissant plus qu'à l'époque. Il y a des tableaux qui sont accrochés sur certains murs. Des tableaux d'avant-guerre, sans doute. T'as un joli bureau et un système d'électricité pour allumer la pièce. À ce moment-là, vous, vous êtes juste derrière la porte, assis sur deux petites chaises qui ont été... mise à l'arrière avec sous les regards un petit peu insistants de quelques éperviers qui étaient détachés pour l'occasion. Et Mokosh, tu vois cette femme vêtue d'une grande cape noire avec plein de plumes sur les épaules, plumes d'oiseaux qui ont été accrochées. Et une espèce de petite... j'ai oublié le nom de ce bijou que tu mets qui s'accroche autour de la tête avec une pierre au niveau du front. Ah, une tiare. Une tiare. Non, ça c'est une couronne, ça. Ah ouais. Il me semble que c'est une tiare, en effet, ouais. Tu vois que dans son regard, il y a toujours un petit peu la vieille animosité que vous avez pu avoir à l'occasion. On peut dire que tu lui as pas toujours tenu le plus grand des respects. Mais malgré tout, elle semble pas spécialement, énervée ni quoi que ce soit à ton encontre. Mm-hmm. Elle dit simplement... Alors, comment ça va ? Moi, ça va bien, mais ton réseau, a priori, il a l'air d'aller mal. Sinon, tu serais ce qui s'est passé la dernière fois que j'étais tout seul avec quelqu'un dans une pièce. T'as pas changé, hein. T'as pas changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la fois où... Enfin, tu sais quoi. Mmh. Dis, j'ai appris que tu passais dans le coin. Angel t'a reconnu tout à l'heure. Je veux même pas savoir ce que tu fais là. Je voulais juste discuter un petit peu. Ouais. Tu sais, les choses se sont plutôt bien passées depuis la dernière fois pour moi. Je vois ça. Et malgré tout, Abby n'y est pas pour rien. J'ai appris pas mal de choses à son sujet. Je sais qu'elle faisait chanter des personnes importantes. Et même plus que ça, figure-toi que peu de temps après sa mort, toute une nuée a débarqué ici. Et m'a dit qu'ils étaient à son service. Un certain tailleur Lacorneille de Carf m'a dit qu'ils avaient passé un pacte avec cette dernière. Alors, lorsque je leur ai appris ce qui s'était passé... Ils ont décidé de se mettre à mon service à moi, vu que je représentais la personne la plus proche d'elle et directement la plus puissante en place. Alors vois-tu, depuis, j'ai des nuées qui se baladent dans plusieurs villes du pays. Et il faut dire que ça rapporte. Et tout ça aurait pas été possible sans elle. Je pense même qu'elle aurait été fière de voir ce qu'on a pu accomplir depuis. Il semblerait que plus rien ne puisse nous arrêter. Si ce n'est ces foutus clans qui ne cessent de nous prendre du terrain de jour en jour. On en est à espérer et à aider les juges dans leur lutte. Parce qu'on sait que si jamais ils partent, on finira emporté avec eux. Je sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Tu vois, à ce moment-là, elle s'assoit, tout simplement. Je sais pas moi non plus. Je m'installe aussi ici. Et tu vois qu'elle commence à te servir un verre de vin. Je sais pas si t'en bois, mais en tout cas, elle s'en sert un aussi. Et tu vois qu'elle commence à boire plusieurs verres. Non, je bois pas. Ok. Tu vois, bon, le verre qu'elle t'a servi reste devant toi. Immobile. Tandis qu'elle elle commence à boire un petit peu. Comme si elle avait des choses sur le cœur, mais qu'elle avait jamais pu en parler vraiment à qui que ce soit. Mmh. Enfin bon, après tout, c'est du passé tout ça. Et toi, de ton côté, t'as des projets ? Dominer le monde ? Je sais pas. Je veux qu'elle sourit légèrement quand tu dis ça. Bon, bah... Écoute, c'était cool de te voir passer dans les parages. Je sais pas quoi te dire de plus. Mmh. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. J'ai conseillé jamais vraiment trop entendu, mais... 300 lettres de change. Tu vois qu'elle relève la tête, elle fait... T'es sérieuse ? Non, je plaisante. Non, parce que si c'est ça, je suis prêt à te les donner, hein. En réalité, j'ai quelques problèmes avec une pie qui est dans ton... qui est dans l'épave. Je sais pas exactement si tu les gères exactement toutes, mais... Oui, oui, je connais tout le monde ici. S'appelle Alina, je crois. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ah, ça a l'air d'être inhabituée des embrouilles. Comme beaucoup. Elle sait des choses que... que j'aimerais ne pas être répandu à propos de quelqu'un que je connais. Et si possible, j'aimerais aussi avoir accès à ces informations. Je sais pas si tu peux... d'obliger ou juste comme ça, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche chez vous. C'est, je fais... À ce moment-là, elle se resserre un verre. Je suis office d'autorité ici, alors si je lui demande un truc, elle le fera. On peut dire que ce sera en souvenir du bon vieux temps. D'accord. Alors... Je retrouve son nom parce que j'ai marqué quelque part. Tu parles de Patros ? Ouais. Patros Sarkas. Patros. Ouais. Patros, c'est Patros Sarkas, celui dont les secrets devraient ne pas être révélés à quiconque que moi. Ok. Je lui ferai savoir et elle m'écoutera. Très bien. Et si tu pourras me faire passer ces 10 informations quand tu les auras, ça me ferait plaisir. J'enverrai quelqu'un. Je peux te trouver où ? Tu auras une adresse, quelque chose ? J'imagine que tu vas pas quitter la ville par les temps qui courent ? Oh, pas pour le moment, mais je repasserai sûrement. Ok. À ce moment-là, tu vois d'ailleurs qu'elle jette un petit coup d'œil à ton tatouage, mais qu'elle en dit pas un mot. C'est cool, on pourrait avoir des choses à se dire. Sûrement, oui. Bon, allez, je vais pas te déranger plus longtemps. Puis moi-même, j'ai du boulot. Très tu bien. Remarques, tu l'avais rarement vue dans cet état. C'est comme si elle s'en était pas vraiment remise. Je sais pas forcément si c'est lié à ça ou pas, parce que c'est pas trop dans l'habitude des apocalyptiques de se faire du souci pour leurs proches, mais... Voilà, tu ressens quelque chose d'assez étrange chez elle. Comme une certaine mélancolie sous-jacente. Très bien, ben, je la salue et... Bye bye. À ce moment-là, on vous reconduit à la sortie sans vous poser aucun souci. D'ailleurs, Angel te dira simplement « Ouais, désolé pour tout à l'heure, je... » Oh, je comprends, c'est le boulot. Alors voyure, je te paierai un verre si tu veux. Avec plaisir, je repasserai dans pas longtemps de toute manière. Ok. On dit qu'on fait comme ça. Et puis il repart aussi de son côté à ses occupations. Parfait. Là-dessus, vous avez pu faire ce que vous aviez l'intention de faire et vous quitter l'épave d'un pas plus ou moins sûr. Jaka, est-ce que tu es avec nous ? Simplement, au moment où vous repartez, pour rejoindre votre l'atelier de Flux. Vous vous trouvez un petit peu au début déboussolé. Sans doute à cause de la tempête, hein, donc très clairement, et de la nuit qui vous prend. Et sans trop savoir quelle rue vous empruntez, mais tout en sachant que vous ne pouvez pas vous tromper de direction, qui paraît plutôt anodin comme vous pour Jacquard et Flux, a un coup particulièrement différent pour Mokosh, puisque à un moment où les tempêtes et où le vent commence à s'abaisser, tu sembles reconnaître la ruelle dans laquelle tu te trouves. Et tu as certains souvenirs qui te reviennent. En effet, tu te rappelles cette terrible nuit où, en empruntant le même passage, Abby a malheureusement trouvé la mort. Tu pourras presque revoir les traces de sang et les bouts déchirés de son armure éparpillés sur le sol au moment où tu faisais le trajet inverse de ton côté dans l'objectif de l'art. Comment est-ce que tu réagis? Peut-être que rien ne se passe, peut-être que tu lâcheras une petite larme, peut-être que tu prendras sur toi. Peut-être que tu vas arrêter un moment, à toi de me dire. Je pense que je vais m'arrêter un moment et dire à mes compagnons que je les retrouverai chez Flux dans pas longtemps. Ok. Et juste passer un petit moment ici. Ok. À cet instant, qu'est-ce que tu vas y faire? Te recueillir peut-être? Oui, simplement. Je suis passé un moment, sûrement m'asseoir contre un mur, un truc comme ça. Sûrement me faire à moitié enterré par la tempête aussi, mais c'est pas grave. En effet, les bourrasques se reprennent de plus belle quelques instants plus tard, tandis que les silhouettes de tes amis ont disparu au loin. Un peu plus tard dans la soirée, d'ailleurs, vous reverrez Mokosh rentrer. Finalement, tout semble plus ou moins aller normalement, mais vous savez que parfois, elle a ses manies un petit peu étranges et elle a ses moments où vous avez du mal à lire en elle. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter la séance.